je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Vous commencez, je pense, à le savoir. On parlera donc jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo et peut-être d'autres jeux si ça existe. On va voir, surprise. Et aujourd'hui, un thème qu'on voulait aborder depuis longtemps avec mon camarade Manuel qui est médias et jeux, c'est quoi le problème ? Et alors, qui nous avons comme invité aujourd'hui, Manu ? Eh bien, nous avons Dorian Chandelier. Alors, certains d'entre vous le connaissent peut-être parce que Dorian anime l'émission Merci Dorian. Hein. Ça a le mérite d'être assez explicatif. Une émission donc, qui parle de jeux vidéo. Il a commencé précédemment avec Usul sur 3615 Usul, des émissions produites par le Nesblog, si je ne dis pas de bêtises, on me contredira sinon, et diffusé sur jeuxvideo.com et puis aussi assez largement sur YouTube. Il y avait Fille aussi qui était... Où c'était plus caché, je crois. De quoi ? Fille. Fille, c'était un peu plus confidentiel. C'était uniquement sur Dailymotion. C'était quelque chose qui tenait un peu de la blague aussi. Voilà, donc de quoi creuser un peu, sachant que Dorian, notamment dans Merci Dorian, essaye de creuser de façon un petit peu théorique un certain nombre de problématiques liées aux jeux vidéo. Alors là, on ne va pas parler que de jeux vidéo, même si effectivement, c'est quand même la partie un peu émergée de l'iceberg, celle qu'on voit le plus. Et en l'occurrence, dans jeux et médias, c'est quoi le problème ? Il y a pas mal de sujets et de sous-sujets à aborder. Alors le premier, qui a déjà été largement discuté dans 3615 Usul et dans Merci Dorian, c'est la problématique du positionnement des médias spécialisés. Oui. Qui ont, j'ai cru comprendre, un certain nombre de problèmes à parler du jeu, ou en tout cas à faire autre chose que finalement presque... de la promotion, ou en tout cas, comme Dorian, tu peux le séparer des tests plus que de la critique, c'est ça ? Ouais, et je dirais pas pleinement faire de la promotion, parce que, effectivement, quand tu vas dire à un journaliste que ton boulot, c'est de faire de la promotion, il vit ça comme une violence, ce qui est totalement légitime, parce que c'est, en fait, la posture qu'il occupe, enfin, la place qu'il occupe dans l'industrie, fait qu'il ne peut être qu'un relais de communication de la part des éditeurs, mais simplement un relais de communication, c'est-à-dire que c'est pas lui qui se fait volontairement promoteur d'une marque, etc. Mais quand il y a des pratiques dans le fait que quand t'es éditeur, t'as un droit exclusif sur, pour dire, donner des informations sur ton jeu. En tant que journaliste, si ton rôle c'est de donner des informations sur tel jeu à ton lectorat, t'es obligé d'en passer par un contact avec l'éditeur. Et donc tu vas forcément avoir en face de toi les relations presse de l'éditeur. Et c'est pas rare d'avoir le cas de journalistes qui interviewent un développeur de jeu, avec exactement dans la même pièce, un gars des RP qui dit au développeur, ça tu peux répondre, ça tu peux pas répondre. Oui, mais finalement, ça c'est un petit peu la même problématique qu'on peut avoir dans le cinéma, avec les producteurs, les acteurs, les réalisateurs, où le journaliste ne va pouvoir échanger, et c'est vrai autant dans le cinéma français que dans le cinéma américain, ne pouvoir échanger et donner des informations que dans un cadre assez contraint. On est là dans une presse à assez grande diffusion, souvent, et puis on arrive quand même à avoir à côté de ça des magazines spécialisés, alors je pense dans le cinéma, des magazines comme Positif ou comme les Cahiers du Cinéma, qui vont aller plutôt chercher dans le sujet de fond. En jeu vidéo, c'est encore compliqué ? C'est encore compliqué pour aussi des raisons plus ou moins, on va dire, idéologiques, qui est qu'on a facilement... tous, hein, que ce soit dans les professionnels qu'en tant que consommateurs, intérioriser l'idée de l'obsolescence pour le jeu vidéo. La nouvelle console est censée rendre obsolète la précédente et le nouvel épisode de la série en vogue, le jeu vidéo, va remplacer le précédent. Du coup, on n'a pas eu pendant longtemps, même si ça commence à revenir maintenant avec tout ce que les gens appellent le rétro gaming, etc., une idée du temps long dans le jeu vidéo. Ça semble absurde de noter un jeu 6 mois après sa sortie. Aussi pour des raisons économiques, parce que les gens ils vont vouloir cliquer sur l'article du test pour savoir s'ils vont l'acheter, donc plutôt le jour de la sortie. c'est toute évidence. Mais cette idée du temps long, c'est quelque chose qui n'était pas évident et qu'on voit que maintenant ça se fait. Par exemple, Polygon, qui est un site anglo-saxon de jeux vidéo, avait fait ça sur BioShock Infinite, de noter le jeu et de lui remettre une note un an plus tard à froid. Et c'est vrai que nous, on voit, notamment sur Facebook, où il y a un groupe privé des professionnels des jeux vidéo, où c'est essentiellement beaucoup de journalistes quand même, où c'est posé la question, mais quel sens ça a de retester un jeu 6 mois après ? Les gens, ils en sont plus là, quoi. Ça y est, ils y ont joué. Ça sert à rien de leur dire ce que t'en penses. Alors, est-ce qu'on n'est pas justement sur une séparation entre le test, qui est très axé produit, par exemple, ce que fait, se revendique, en tout cas, des journaux comme Canard PC, ou la critique, ou là, qui est peut-être plus du domaine de l'art, qui sont effectivement, alors je pense par exemple au test de Chronicart ou d'autres choses comme ça, ou même de ce que fait Merlan Free. Voilà, est-ce que c'est pas cette différence qu'on a du mal à définir ? En fait, c'est pas qu'on a du mal à la définir. Ce qui est surtout intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on a du mal à la définir ? Et là, pareil, il faut faire un peu d'histoire de la presse jeux vidéo, et il faut voir que la presse jeux vidéo, c'est un espèce de sous-ensemble de la presse informatique à la base. Donc, avec des rédacteurs ingénieurs. Les gars qui travaillaient chez Tilt, c'était tous des gars qui avaient une formation d'ingénieur et qui regardaient. Et d'ailleurs, on parlait de. Comment ils appelaient ça ? Des ludiciels, je crois, ou quelque chose comme ça. Ils avaient un nom qui ressemblait à logiciel. Ludologiciel. Je sais plus, je crois que c'était ludiciel. Ludologie, c'est le nom du podcast. Ouais. Je précise pour nos auditeurs que nous avons un invité surprise, parce qu'en fait, on enregistre 2 podcasts coup sur coup, on est des fous. Et donc Yann Chauvière, avec qui on enregistre un 2e podcast juste après celui-ci, est présent dans la pièce. Donc peut-être vous entendrez sa voix de temps en temps pendant l'enregistrement de cet épisode, qui apportera des précisions ou des contradictions à Dorian. Et donc, ça explique aussi et la prééminence du test, et le fait qu'on soit tout de suite rentré dans une presse de consommation plutôt que dans une presse d'opinion. Parce que l'idée, c'était qu'on avait testé un logiciel. Et ce logiciel, c'était un logiciel qui était censé être opérant, qui était censé faire quelque chose, même s'il s'avérait que c'était un logiciel de jeu. Et donc là, la logique de la note, elle prend tout son sens. Quand tu compares 2 traitements de texte ensemble, tu peux te dire, ok, quels features il a ce traitement de texte-là que lui n'a pas, lesquels sont les plus utiles pour écrire du texte, et donc la note a du sens. Et on a calquer exactement les mêmes techniques, qui étaient les techniques que les journalistes informatiques utilisaient en fait, sur le jeu vidéo. Et c'est un truc qui a laissé sa marque, du coup, sur la durée. Et il a fallu un peu, quand même, malgré tout, le début des années 2000, et qu'il y ait des bobos hipsters un peu comme nous qui s'emparent du jeu vidéo pour commencer à avoir l'idée de... Ouais, justement, dans l'idée de la légitimité et de montrer que c'est pas que un délire d'ingénieurs et d'enfants, il faut que nous, en tant que trentenaires un peu intello, on s'en empare pour en faire un objet aussi intello. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une contre-offensive un peu violente du côté de la violence symbolique aussi dans le côté critique. Merlan Free, c'est très sympa, mais après, ça s'adresse surtout à des gens qui ont déjà envie de lire Merlan Free, en fait. C'est pas un très grand public. Mais oui, et est-ce que finalement, aujourd'hui, avec le marché qui a évolué, alors on a parlé effectivement de Merlan Free, je tiens à préciser tout de suite que, effectivement, là, on va plutôt parler des médias traditionnels, parce qu'avec le web, il y a pas mal de choses qui ont bougé quand même en termes de production. Tes émissions en sont une preuve parmi d'autres. Oui, entre autres, parce que c'est vrai qu'au début, il y a quand même cette idée d'horizontalité sur Internet, malgré tout, qui fait une grosse différence. C'est-à-dire que il n'y a plus de canaux privilégiés de communication pour avoir la parole publique. Du coup, c'est vrai que il s'est passé le phénomène, c'était sur à l'époque de Dailymotion, où il y avait donc 80 Miles Saler et Usul qui faisaient des vidéotests. Il y a eu justement le vidéotest, un peu emprunté au concept de Marcus sur Game One, qui était Level One, parce que le jeu vidéo, c'est de la vidéo facile à faire. T'as déjà du contenu audiovisuel. T'as juste à prendre une voix off, à mettre par-dessus pour faire de la vidéo facilement. T'as pas besoin de caméra, t'as juste besoin à la limite d'un micro de webcam un peu pourri pour pouvoir faire de la vidéo. Donc les gens se sont emparés de ce concept-là qui était facile à faire. Et donc on a eu aussi des gens qui prenaient la parole sur le jeu vidéo, mais de leur côté, et qui commençaient à avoir un auditoire. Et du coup, c'est un peu aussi le même phénomène que pour les blogs. C'est maintenant, du coup, il y a plein de gens qui ont la parole. Mais dans quelle mesure est-ce que tu parles de médias à ce moment-là pour qualifier tous ces plein de gens qui ont la parole, etc. C'est des moments où il faut repenser un peu les catégories aussi. Hein. Je suis pas d'accord sur le fait que le net soit si horizontal. Effectivement, dans l'idée du réseau, effectivement, tout le monde peut parler, tout le monde a la parole. Mais il y a quand même cette logique d'influenceurs, de personnes influentes qui, en tout cas, ont un auditoire plus large que le simple type dans son garage. Il y a déjà ça, et en fait, je me pose la question par rapport à ta question sur le contrôle de l'information des éditeurs. Maintenant, on voit que les développeurs de jeux et les éditeurs sont presque leurs propres médias, tellement ils sont populaires pour telle marque de fabrique. Voilà, EA ou même certains studios indépendants. Voilà. Est-ce que justement, ça vient pas casser peut-être le rôle du journaliste en tant que intermédiaire, médiateur? Et aussi personne qui parfois fait de l'enquête, chose qui manque peut-être à la presse jeux vidéo. Question très vaste. Ouais, question très vaste qui demande réflexion. Pour donc, si je recentre bien, si j'ai bien compris la question, c'est de dire qu'il y a une position particulière des gros youtubeurs qui ont du coup aussi une relation privilégiée avec les éditeurs, et du coup savoir comment se repositionnent les journalistes par rapport à ce nouvel état de fait. Il y a de ça, effectivement. Oui, effectivement. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les nouvelles sorties de presse papier, outre Canard PC qui pour jusqu'ici n'a jamais flanché, ceux qui sont sortis récemment, notamment JV ou Games, ou récemment The Game, en tout cas, pour la plupart se positionnent ou essayent de se positionner sur des articles qui se veulent de fond, du coup. Parce que, justement, maintenant, l'immédiateté n'est plus exactement leur domaine. En fait, on comprend que maintenant, la presse, du coup, face à Internet, ne pourra jamais gagner sur la course de la vitesse à l'information. Ça, cette bataille, elle est perdue d'avance. Du coup, s'ils continuent de se positionner là-dessus et de faire des news, etc., ça ne marchera pas. Mais ça, c'est dans le cadre de la pièce papier, de la presse papier. Parce que là, le développement de la presse, du coup, sur Internet, se fait différemment, même s'il commence à y avoir certaines analogies. Et la question, c'est est-ce que justement la presse spécialisée jeux vidéo en ligne, enfin la presse en ligne plutôt, n'est pas amenée à mourir? C'est ce que, en tout cas, prédit peut-être Yvan Godet dans un de ses derniers éditos. C'est ça, c'est que pour l'instant, j'ai envie de dire les indicateurs sont rouges, mais ce serait une formule d'un peu trop simpliste. Tous les indicateurs montrent que les sites de jeux vidéo commencent à se comporter de la même manière que se comportait la presse jeux vidéo à l'époque du grand groupe de presse qui s'appelait Future Media. C'est-à-dire qu'on a, on commence justement à avoir notamment un acteur comme quelqu'un qui nous est relativement proche, qui est Webedia, qui possède maintenant jeuxvideo.com et Millennium. Et on avait une discussion récemment à propos d'un sujet connexe, en plus pas exactement le même, mais où du coup j'ai poursuivi ma réflexion en disant, bon, admettons que les consommateurs, que les visiteurs se disent, je vais plus sur jeuxvideo.com parce qu'il y a Webedia derrière, je vais plus sur Millennium parce qu'il y a Webedia derrière. Qu'est-ce qui empêche Webedia de prendre Gamekult et Gaming derrière, s'ils en ont les moyens? C'est toujours avec la conditionnelle de s'ils en ont les moyens, mais supposons des moyens infinis, face à un groupe qui aura assez d'argent, tu pourras pas te dire que le développement ne sera pas le même que celui de la presse papier, à partir du moment où il y a des flux qui intéressent du coup déjà les gros groupes. Il y a des flux en tout cas de visiteurs, vu que c'est ce qui compte sur Internet dans les modèles économiques actuellement, c'est les flux de visiteurs et non pas nécessairement leur qualité. Du coup, la presse jeux vidéo a un avantage particulier. Notamment, on voit que sur YouTube, ce qui est quasiment très très très très très très haut là-dedans, c'est le jeu vidéo. Pour des raisons particulières à YouTube aussi, mais dont on ne va pas forcément parler ici, parce que ce n'est pas le sujet. Mais alors du coup, tout ça semble vouloir dire que effectivement dans la presse, il y a des choses qui bougent, qu'on commence à avoir une approche plus, disons, revue que magazine, avec de l'article de fond. Est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour un André Bazin du jeu vidéo? André Bazin, c'est un critique de cinéma pour nos éditeurs. Même si je ne le connais pas personnellement, j'avais retranscrit en me disant ça doit être un critique important. Ou à des grands mouvements de critiques, de personnes qui pratiquent la critique de jeux vidéo, qui vont commencer à délivrer de l'opinion sur des courants, ouais, qui vont se mettre en désaccord, comme ont pu l'être, à nouveau, je reprends l'analogie du cinéma parce que je la connais un peu, comme ont pu rentrer en contradiction des revues comme Positif ou Les Cahiers du Cinéma sur un certain nombre de réalisateurs, où du coup il y avait des contradictions assez violentes entre les différents magazines. Le fait est que pour l'instant, on voit que, par exemple que maintenant, en tout cas dans la presse papier par exemple, qui du coup a été désertée quand même pas mal par les grands groupes, on retrouve malgré tout une certaine homogénéité. Entre JV et Canard PC, on ne peut pas dire qu'il y ait des courants de pensée qui s'affrontent violemment, avec Games non plus. Après, en tout cas, ce n'est pas flagrant à la lecture. Et du coup, vu que la presse JV sur Internet est grosso modo, malgré tout, dans la situation où il y a des grands groupes un peu monopolistiques qui sont derrière tout ça, on se retrouve aussi avec une certaine homogénéité dans les courants critiques. Donc pour l'instant, ça n'existe pas en France, en tout cas tel quel. Mais on peut voir qu'aux États-Unis, par exemple, enfin en tout cas dans le monde anglo-saxon, pour pas, parce que Rock Paper Shotgun est britannique, mais justement on se retrouve à avoir aussi des caractères plus marqués de type de critique entre Rock Paper Shotgun, Kotaku et d'autres trucs comme ça, même si Kotaku, justement, ça fait un peu figure du grand groupe de presse aussi, mais il y a des choses plus marquées, je trouve, dans le monde anglo-saxon, en tout cas sur l'axe de critique, que dans le monde français. Bah, c'est peut-être lié au fait que l'imprégnation du monde des jeux vidéo dans le monde anglo-saxon est plus ancienne et plus présente peut-être que dans le territoire francophone. Et c'est aussi, je sais pas, je dirais qu'il y a peut-être des gens qui sont emparés du jeu vidéo là sous cet angle et qui viennent justement des médias qui sont pas forcément complètement spécialisés. Quand il y a Wired qui commence à faire des gros articles sur le jeu vidéo, nécessairement ça amène aussi tout un public à s'intéresser aux jeux vidéo, celui des lecteurs de Wired, qui sont des gens qui produisent beaucoup de contenu sur internet de par leur profil. Après, Wired fait partie de Condé Nast, qui est aussi un autre grand groupe. Enfin, on peut oui, toujours. Ouais. Y a aussi cette logique de surfer un peu sur la vague de la dernière mode. Et voilà, le jeu vidéo est maintenant, entre guillemets, rentré dans les mœurs. Et on commence, enfin, peut-être le marché publicitaire commence à se rendre compte que tout le monde est joueur. Et du coup, il y a cette économie de l'attention à capter. Ouais, mais après, moi, je vois par exemple dans ma pratique, c'est vrai qu'autant je peux aller lire les pages de Wired sur le jeu vidéo. Je sais que l'Obs, Libération, etc., ils ont des pages jeux vidéo, etc. Je vais assez peu les lire. Je pense que dans la presse hors jeux vidéo, les rares articles sur le jeu vidéo que j'ai lis, c'était les trucs de Monsieur Lam pour Technicart, à une époque où je lisais Technicart. Mais, Alors ça nous amène justement à notre deuxième grande problématique. Merci pour cette transition toute faite. Le deuxième problème entre les médias et les jeux vidéo, si tant est que problème il y est, c'est aussi dans la presse généraliste où, pour le coup, c'est peut-être juste mon sentiment, mais j'ai quand même l'impression qu'on parle de jeux, en particulier de jeux vidéo, plus encore que des autres supports. On en parle surtout sur des épiphénomènes, c'est-à-dire le volume de vente ou dire que tel jeu ne devrait pas être accessible aux enfants parce qu'il est violent. Ce genre de choses, j'ai l'impression qu'on a du mal à parler du jeu à nouveau comme on peut parler d'autres formes culturelles. Mais après, c'est... J'ai envie de dire que ça, c'est pas non plus complètement propre aux jeux vidéo, parce qu'il faut des trucs marquants un peu dans la presse, on va dire, généraliste. On va prendre comme archétype de presse généraliste le JT télévisé, qui traite le cinéma de la même manière, en nombre d'entrées, en tête d'affiche, et pas forcément sur le même angle que les cahiers du cinéma, ou même que la presse spécialisée cinéma. Et que, pareil, dans l'édition, c'est les gros mouvements de vente, c'est le salon du livre, c'est... C'est le dernier Houellebecq qui fait scandale aussi. Ouais, c'est le dernier Houellebecq qui fait scandale. C'est pour ça que, bah, effectivement, quand il y a un jeu qui fait scandale, puisqu'il y a Mélenchon qui décide de taper sur Assassin's Creed, on parle un peu d'Assassin's Creed. Quand il y a le Paris Games Week, on parle un peu du Paris Games Week, parce que voilà, gros événement français, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Oui, mais en même temps, si je prends... Alors moi, je j'écoute plus la radio que ouais. Je ne regarde la télévision. Si je prends une antenne comme, par exemple, France Inter, on a des émissions de cinéma, on a des émissions de littérature, on a des émissions d'art, y compris d'art contemporain, on a même des émissions de cuisine. Il n'y a pas d'émissions sur les jeux. Ce grand silence. Non, je réfléchis à ma réponse. Je sais pas. Moi, parce que là, je suis dans une certaine difficulté à répondre à cette question. Ce que j'ai envie de dire, bon, ça y est, maintenant, le jeu vidéo, vu que ça fait beaucoup de pognon et que l'âge des joueurs a augmenté, la légitimité n'est plus forcément un combat à faire. Mais peut-être que pour des journalistes de formation qui sont d'un certain âge, c'est-à-dire qu'au-delà de la trentaine, etc., ça reste un objet exotique, le jeu vidéo, c'est pas encore considéré comme de la culture. Ouais, on n'est pas encore prêt d'avoir le masque et la plume et la manette, quoi. C'est ça. Je pense que c'est pas très très loin de nous, mais c'est pas encore le cas. C'est peut-être uniquement une raison de génération aussi, du coup, pour le coup. Est-ce que ce regard-là, il peut pas venir aussi des critiques d'art contemporain où on voit que les œuvres interactives sont de plus en plus présentes, où les écrans sont encore des choses qui sont beaucoup beaucoup exploitées? Est-ce que là, il n'y a pas des brèches qui commencent à apparaître? Ben si, c'est Comment il s'appelle ce jeu ? Demain l'été, je crois, ou l'été viendra, un truc comme ça, qui a été fait par des anciens qui faisaient des installations de, d'art interactif. Donc effectivement, quand ces deux-là, qui jusqu'ici parlaient au milieu de l'art contemporain, se mettent à faire ce que eux disent des jeux vidéo, ce que eux disent des jeux vidéo, c'est complètement méprisant comme façon de le dire. C'était pas du tout mon intention, en plus, c'était vraiment parce que je ne contrôle pas ma bouche comme je le veux. Et forcément, ils tirent avec eux aussi un public qui va du coup s'attirer aux jeux vidéo et qui du coup est dans une forme de légitimation. Avec le travail d'associations comme MO5 aussi, quand ils font Game Story au Grand Palais, tout de suite, ça donne une autre carrure au truc, ça donne justement une position de légitimité aussi à l'objet. Ce qui est dingue aussi dans le traitement de la presse généraliste, c'est un certain paternalisme aussi, que les rares fois où vraiment on s'intéresse sérieusement au sujet. Des dernières affaires de pseudo, problèmes d'éthique, enfin bref. Bon, je pense que vous avez tous vu le problème Julien Chiez, Sony machin. Voilà, le monde titrait le psychodrame du milieu du vidéo. Il y a un côté un petit peu condescendant. Il y a ça. Je pense aussi à un autre dossier sur le monde diplomatique où c'était à propos justement de l'exposition à la Cité des Sciences. Voilà, Mario au musée. Or, seulement Mathieu Triclot avait souligné qu'ils n'avaient pas eu les droits de Nintendo pour exposer du Mario. Voilà, il y a peut-être pour l'instant ce traitement maladroit. Du jeu vidéo, c'est on essaie de faire du contenu de fond, mais on n'a pas encore les codes. Peut-être ce décalage. Mais je pense que là, par exemple, Mario au musée, c'est typiquement parce que je pense que le journaliste qui s'emparait de ça voyait ça aussi comme un objet de curiosité, parce que pour lui, le jeu vidéo est un objet exotique. Ce qui n'est pas surprenant non plus. Je comprends que pour mes parents, le jeu vidéo, c'est un objet exotique. Mais c'est pas de leur faute non plus, on va pas leur reprocher. Mais alors justement, forcément, quand on leur dit qu'on essaie de parler sérieusement de jeux vidéo, ça apparaît comme une curiosité. C'est un problème de représentation, du coup. Alors, ce qui est dingue, parce que moi, j'ai suivi un peu les discussions à propos de ce dossier, c'était dans le Monde Diplo de je ne sais plus quand. Martin Lefebvre et Mathieu Triclot disaient qu'ils n'avaient pas eu le contrôle sur les titres et les chapeaux de leurs articles qu'ils avaient signés. C'est-à-dire qu'en fait, le dossier était fait par eux, par des gens qui connaissent le sujet, et non pas d'a priori, apparemment. Et en fait, ça venait pas des producteurs de contenu, mais en fait par ceux qui mettaient la forme, qui faisaient les chapeaux, c'est-à-dire les secrétaires de rédaction notamment. Alors, est-ce que c'est pas justement une industrie qui a du mal à capter ça ? Mais c'est pas qu'une question d'industrie, c'est une question aussi de... Il y a eu un changement des modes de communication qui n'a pas été perçu d'une manière claire et totale par tous les anciens les professionnels des anciens modes de communication. Typiquement, on regarde la presse parler d'Internet. Il y a peu de contenu, à part un peu sur France Culture, qui ne tombe pas complètement à côté de la plaque lorsqu'il s'agit de parler d'Internet, etc. Récemment, ça a été mince, on découvre qu'il y a des conspirationnistes sur Internet, les gens ne nous font pas confiance. S'ils en sont encore là, globalement, en termes de profession et de questionnement, que c'est ce qui sort, c'est que mince, les gens ils nous croient pas, ils préfèrent croire les complotistes d'Internet. C'est qu'ils n'ont pas encore vraiment justement exactement tout compris non plus à l'objet, sans faire de condescendance non plus. Il y a peut-être rien qui les prédisposait à comprendre si personne n'a fait la démarche de leur expliquer. Et puis en plus du paternalisme, il y a encore quelque chose que tu notais et qui reste assez présent, c'est que le jeu... Alors, surtout le jeu vidéo, est encore très affilié aux pages technologie, plus qu'aux pages culturelles, finalement, souvent. Effectivement, ce qu'on se disait en venant, c'est que dans Le Monde, c'est dans la rubrique Pixel, qui est revue technologie. Dans Libération, c'est sur écran.fr, du coup, c'est encore technologie. Alors que dans le New York Times, c'est dans art. Constat comme ça. Mais ça, c'est aussi la manière dont t'es vendu le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on est quand même toujours un paradigme, mais c'est un gros mot. On est toujours dans un cadre où on te vend le jeu vidéo aussi sur la prouesse technologique. Du coup, tant de pixels. Ah, maintenant il y a les casques de réalité virtuelle. Ça, c'est bien, ça fait parler du jeu vidéo, le casque de réalité virtuelle. C'est un pas de plus dans l'immersion dans le virtuel. On te parle de la Wii parce que ça fait bouger même dans les maisons de retraite ou des trucs comme ça. C'est le côté technologique qui aussi, du coup, dans cet objet curieux, c'est ça qui est frappant d'un point de vue extérieur quand tu prends l'objet en lui-même. C'est son aspect technologique qui est le plus impressionnant quand tu t'intéresses pas au fond, au jeu en lui-même, mais juste à la machine sur laquelle ça tourne, par exemple. Parce que vu de l'extérieur, c'est ça, un jeu vidéo, c'est aussi une machine de l'informatique en train de fonctionner. Hein. Est-ce que le jeu mobile n'a pas changé un petit peu des choses justement là-dedans ? Après, il faudrait voir dans quelle mesure ça a pu changer, parce que je pense que c'est le genre de choses qui changent très vite, mais les gens qui jouent sur mobile n'ont pas tous l'impression de jouer. Si tu les interroges sur leur pratique, ils disent « Ah non, moi je ne joue pas aux jeux vidéo ». Oui, c'est une question qu'on avait eu l'occasion de traiter il y a déjà quelques mois avec Jérôme Larré sur pourquoi est-ce qu'on joue. Effectivement, on faisait le distinguo dans les différentes pratiques de jeu entre le passe-temps, le plaisir, la passion. Effectivement, vous pouvez le noter aussi bien pour ma tante qui joue sur Candy Crush que pour son grand-père qui fait des mots croisés, où effectivement il ne se définit pas comme joueur quand il pratique les mots croisés. Il y a encore cette problématique-là parce que j'ai quand même l'impression que de plus en plus de gens jouent effectivement sur tes terminaux mobiles et qu'il y a des regards qui changent, notamment parce que ces systèmes de diffusion, le fait qu'on peut facilement n'importe où acheter un jeu à des tarifs assez dérisoires, a permis à pas mal d'éditeurs de proposer des choses un petit peu différentes et de peut-être de faire bouger un petit peu le regard des gens. Et a fortiori, du coup, dans les gens, il y a des journalistes sur ce que c'est que le jeu, comment ça peut se pratiquer et quel peut être le travail graphique ou d'interaction dessus. Pareil, là, il y a eu beaucoup de mots, j'ai pas tout intégré complètement. Mais il y avait un truc auquel je pensais, en fait, c'est peut-être pour ça que j'ai pas tout écouté aussi, mais il y a un truc auquel j'ai commencé à réfléchir pendant que tu finissais de poser ta question, qui était aussi de comment est-ce qu'on se retrouve à avoir des difficultés à reconnaître l'objet jeu. Comment est-ce que quelqu'un qui joue peut ne pas avoir l'impression de jouer ? C'était ce que je disais, c'est aussi pour des raisons culturelles, parce que historiquement, on a très vite classé le jeu et le jeu vidéo comme faisant partie de la culture jeune et de la culture des loisirs. Et donc des gens qui jouaient depuis longtemps à des trucs qui existaient d'avant le jeu vidéo, par exemple au tarot, quand ils sont mis à jouer au tarot en ligne, parce qu'ils n'avaient pas toujours leurs amis près d'eux, ils ne se sont pas dit « je me mets au jeu vidéo ». Alors qu'en fait, jouer au tarot en ligne ou jouer comme le fait Cœur de Vandal à Duel of Champions, il n'y a pas une grosse différence fondamentale. Tu joues aux cartes via un écran et en ligne. Donc, En fait, ce qui change, c'est l'interface. Oui. Ouais. Bah après, il faudrait voir si le jeu vidéo, il n'y a que des questions d'interface, c'est d'autres questions. Mais entre autres, il y a ça qui rentre en jeu. Parce que c'est vrai que quand tu joues à un jeu sur un écran, tu peux dire que c'est un jeu vidéo. Ça semble... je ne sais même plus où je voulais aller. Alors du coup... Tu parlais effectivement de la représentation qu'ont les gens d'eux-mêmes quand ils jouent. Ça m'amène à un troisième axe qui m'interroge aussi, qui est la présence du jeu dans la fiction et la représentation du jeu et aussi du joueur. On est effectivement encore beaucoup dans l'idée que le joueur, c'est un ado mal dégrossi. Si je me fie à une série comme The Big Bang Theory, par exemple, où je crois on a des adultes qui jouent beaucoup, plus que dans d'autres fictions en tout cas, on est dans des personnages qui sont dans un qu'on qualifie quasiment d'adolescents de par leur pratique du jeu. Et qui ont des pratiques du jeu qui, je sais pas pour les auditeurs ou pour vous, mais qui ressemblent pas du tout à la mienne. Parce que je ne pratique pas, j'ai pas l'impression de jouer comme on joue dans The Big Bang Theory. Alors, moi la seule fois où j'ai vu des gens jouer d'une manière qui m'a semblé crédible dans une fiction, c'est dans l'épisode de Community entièrement sur le jeu vidéo. Où notamment, moi, il y a un détail qui m'a fait... Je pourrais t'en dire le même sur le jeu de rôle. Ouais. Il y a un détail qui m'a fait crever de rire, c'est le personnage de Troy. Donc on les voit uniquement leur avatar dans le jeu vidéo, on les voit pas en train de jouer. Mais tu comprends que lui, il est en train de s'ennuyer pendant les dialogues puisqu'il passe son temps à sauter. Et c'est des trucs, c'est vrai que c'est un peu ce que disait Karim par rapport au mépris du monde du cinéma. Justement sur le jeu vidéo, parce que ça c'est un sujet que Karim Debache maîtrisera beaucoup mieux que moi, quand il parlait du film Cyprien avec pas Eli Kaku, Elie Semoun, voilà, où il disait c'est quand même malgré tout, on te présente, tu sens que c'est jamais des joueurs qui écrivent les rôles de joueurs, parce qu'ils ont pas, les joueurs qu'on te présente dans la fiction, c'est des gens qui n'ont pas des comportements des joueurs que tu crois tous les jours et dans lesquels tu peux pas vraiment te reconnaître, mais du coup par des phénomènes d'identification tu te retrouves justement avec, du coup, vu que l'image de joueur qu'on te présente, notamment dans Big Bang Theory, parce que là, pour le coup, c'est une image bienveillante et pas une image malveillante comme dans Cyprien. Pas d'accord. Il y a aussi une forme de se caler sur les modèles qui sont présentés d'une certaine manière. Mais il y a aussi beaucoup, c'est vrai pour Abed dans Community, pour Sheldon dans The Big Bang Theory, ou pour Moss dans The IT Crowd. Le joueur, c'est aussi le nerd, pas seulement le joueur, et c'est le nerd autiste qui a Asperger. C'est quand même, il y a quand même une vraie présentation du joueur, beaucoup dans quelque chose de profondément obsessionnel. Mais je pense que c'est parce que malgré tout, c'est des gens qui produisent de la fiction et qui ne s'affranchissent pas forcément non, aussi des images et des clichés qui sont qui préexistent à leur œuvre. Donc, si tu prends Big Bang Theory par exemple, j'ai pas une grande affection pour Big Bang Theory, mais le fait est que Sheldon Cooper n'est pas le seul joueur qui est présenté dans la série, mais c'est le seul qui est présenté comme un Asperger atypique, etc. Donc c'est aussi une manière de jouer sur un cliché en disant bah, on va parler de gens qui sont des geeks, donc on va montrer un qui correspond au cliché du geek Asperger. Hein. Enfin, dans la narration de Big Bang Theory, c'est un peu justement une fille normale. Bon, il se trouve qu'elle est blonde, du coup, blonde, elle est forcément un peu bébête. Ah non, elle est pas normale. Elle est extrêmement bien faite de sa personne. Elle est blonde, elle a une poitrine relativement opulente et elle veut devenir actrice. Et elle est un peu. En tout cas, au début, elle est présentée comme pas très fine. Mais en gros, c'est un peu le monde normal, très connu, très balisé, qui vient dans un monde relativement inconnu pour le grand public, qui est celui des nerds. Donc c'est justement moi je trouve que c'est pas une série positive puisque en fait c'est le joueur n'est pas dans un monde normal. Moi ouais, mais malgré tout on est dans une situation où il y a eu je me retrouve à défendre un peu Big Bang Theory, je m'imaginais pas faire ça un de ces quatre, mais ce qu'il y a c'est qu'il y a eu une certaine inversion par rapport à des par exemple tu prends Parker Lewis, gagne toujours. Oh la vache. Le personnage du nerd, c'est lui qui est étrange et qui s'agit d'intégrer. Dans Big Bang Theory, c'est justement la blonde un peu débile qui est étrange et qui s'agit d'intégrer dans le groupe. Oui, puis on retrouve aussi cette idée d'exotisme, probablement de la part des producteurs que tu citais à propos de journalistes. Savoir que on peut avoir des producteurs qui regardent toute une culture avec toute l'importance que peut avoir le jeu dedans comme quelque chose d'un peu exotique et du coup d'un peu excitant pour le spectateur qui pourra se projeté dans un autre contexte. Ouais, j'ai pas tout suivi à la question. Est-ce que tu peux synthétiser? Est-ce qu'on revient pas un peu sur la notion d'exotisme dont tu parlais à propos des journalistes? Si, un peu, mais c'est parce que c'est encore plus vrai, j'ai l'impression, chez les Américains. Mais le fait d'avoir eu l'étiquette geek, nerd, et de s'être un peu senti marginalisé, ça a fait que l'aspect marginal est devenu un critère identitaire aussi. Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gens derrière Big Bang Theory qui eux-mêmes étaient des geeks nerds début des années 80, fin des années 70, qui aient vraiment vécu le fait d'avoir été stéréotypés comme nerds et qui aussi ont vécu ça du coup comme une fierté. C'est une revanche de classe en fait. C'est un peu des revanches de classe aussi. C'est vrai que quand tu vois l'angry video game nerd, c'est le gars qui se montre avec sa t-shirt, sa chemise et ses crayons dans la chemise, complètement l'image de l'ingénieur avec les grosses lunettes américain. Quand tu vois le nerd présenté dans les images qu'on se fait justement, dans les images qui sont maintenant anciennes, des années 70, début 80, mais ça devient un objet de revendication maintenant aussi, de la part des nerd geeks. Alors il y a une fiction qui prend ça un petit peu à rebours, que j'ai eu l'occasion de voir assez récemment, au moins pour ces dernières occurrences, c'est la série House of Cards, puisqu'on présente un personnage qui est sénateur à un niveau assez important depuis longtemps, qui est un homme de l'establishment, clairement, qui pour se détendre le soir va jouer à Call of Duty. Je crois que c'est Call of Duty, en tout cas un FPS sur un jeu Xbox. Dans lequel il a joué en plus. En tant qu'acteur. Ah, oui, j'ignorais. En tout cas, sur un FPS, effectivement, il est sur sa console avec sa manette. On est vraiment dans une image à rebrousse-poil. Elle est d'autant plus exploitée qu'elle revient en miroir dans la troisième saison où, je vais faire plein de spoilers, c'est super, et où on peut voir le même personnage en train de jouer à Monument Valley sur son iPad et expliquer à un auteur qui l'a engagé parce que sa critique de Monument Valley lui a donné à lui, Francis Underwood, envie de jouer au jeu. Il l'engage, lui, pour le faire travailler en lui expliquant que, à peu près texto, il est plutôt branché FPS, en utilisant même le terme FPS. Ce qui n'est pas anodin, effectivement. Ce qui est un terme très précis. Du coup, est-ce que y a des choses qui bougent un petit peu de ce point de vue-là dans l'image qu'on peut avoir du joueur? Mais bien évidemment, et c'est pas aussi étonnant que aussi, comme je le disais, par la balance des générations. On se retrouve maintenant avec des générations d'énarques qui jouent beaucoup à des, une fois énarques, continuent à jouer à Blood Bowl ou à Europa Universalis, qui sont des jeux de gestion un peu velus. Hein. Sans parler des fondateurs de Facebook, de Twitter, qui jouent beaucoup au Clan de Catan. Le Catan, je ne sais pas. Catan. Ouais. Oui, bah oui, mais c'est vrai que là, cette pratique du... Alors, le jeu de société, peut-être encore plus que le jeu vidéo, quelque chose qui s'est beaucoup normalisé chez les adultes et qu'effectivement, on retrouve un petit peu partout. Alors, tu cites Blood Bowl, je ne sais pas si c'est l'occurrence vidéoludique ou traditionnelle. L'occurrence vidéoludique, en l'occurrence. Parce que c'est basé sur un jeu de figurines dans la Galaxy Games Workshop. Il y a effectivement des choses qui bougent de ce point de vue-là. Moi, j'ai souvenir, il y a une bonne dizaine d'années, d'élus socialistes qui revendiquaient le fait de jouer sur la PlayStation le soir pour se détendre, effectivement, quand ils revenaient de chez eux. Il y a... Je vais pas utiliser des grands mots, mais il y a un espoir que ça bouge, que ça se normalise un petit peu. Mais j'ai envie de dire nécessairement. Je veux dire, il y a nécessairement des gens de ma génération, qui est une génération qui joue beaucoup, qui vont arriver à des postes de pouvoir. Ou alors on est tous nuls, mais pour des questions de génération, et on restera tous dominés tout le temps. Est-ce qu'on continue à garder un regard bienveillant et peut-être intéressé sur la pratique du jeu en règle générale quand on rentre dans des positions de pouvoir, ou est-ce qu'il y a des modèles sociaux, des modèles de classe qui font que c'est quelque chose qui est mis un peu de côté, comme un peu un secret honteux, quoi? Ça tend à s'atténuer avec le temps, parce qu'effectivement, imaginons que tu arrives à un poste de pouvoir et que tous les gens qui sont là pour te conseiller et pour te cadrer un peu sont plus âgés que toi et ne sont d'une génération qui n'ont pas joué. Ça va sembler, justement, encore une fois, comme un produit exotique d'arriver et de dire « Tiens, moi, j'aimerais bien faire quelque chose pour les développeurs de jeux vidéo dans la région, parce que c'est un truc qui marche. » Il va falloir les convaincre, justement, de passer par les arguments de « c'est un truc qui marche », les trucs économiques, etc., etc. Admettons que dans 10 ans, où ce sera toi qui auras un peu d'ancienneté, où les petits jeunes qui arriveront sont aussi des gens qui sont joueurs, tu poseras pas la même résistance. C'est exactement la même chose à l'université. On se retrouve maintenant avec des directeurs de recherche qui acceptent de faire des choses sur jeux vidéo parce que eux-mêmes étaient joueurs. Je vais faire mon petit trouble-fête, mais après, il y a la problématique de la conscience de classe. Il faut que les joueurs, déjà, se définissent, peut-être. Après, ils se définissent des fois un peu de manière « what the fuck », dirons-nous. Et en plus, dans le système politique, et je ne parle même pas dans le commerce, l'industrie, les médias, il faut qu'il y ait cette conscience, justement, de... pour l'instant, c'est plus la conscience d'un marché, plutôt que conscience d'une... je sais pas, d'un élément de vie simple comme la musique ou je sais pas, ou la télévision. Après, je sais pas, donc le jeu vidéo, même si ça commence pareil à bouger avec l'émergence des indés qui commencent à prendre de la place, etc., est quand même toujours, malgré tout, un objet de culture de masse. Tant que ce sera le cas, ça restera de la culture de masse. Et c'est de cette culture de masse-là que peut émerger justement une culture bourgeoise. On peut imaginer qu'il y ait du jeu vidéo bourgeois. C'est pas encore complètement le cas. Pour l'instant, ça reste justement, malgré tout, quand tu regardes les pratiques, il n'y a pas vraiment de profil sociologique type du joueur, à ce qu'il semble. C'est plutôt masculin, plutôt jeune, mais il n'y a pas vraiment de profil sociologique qui joue plus ou moins. Après, dans ce cadre-là, qui est quand même relativement fermé, mais qui laisse pas mal de possibilités. Ce que je voulais dire aussi au passage, c'est que on a parlé effectivement des gens qui n'ont pas conscience de jouer. Et effectivement, je pense que c'est... le vrai levier serait justement ce passage à la conscience, en fait. Parce que pour l'instant, je pense qu'on joue tous plus ou moins, pas au même jeu, forcément, mais... et donc voilà, on a tendance à stigmatiser un regard, une minorité. Et ça, c'est pas très compliqué, hein, il suffit de le dire. Je vois qu'avec Cœur de Vandale, on est récemment allé intervenir à Brest, etc., notamment pour dire, entre jeux de plateau, jeux classiques et jeux vidéo... Il y a c'est une ligne directe, c'est pas des mondes parallèles. Personne n'a des grosses résistances à ça quand tu le dis aux gens. Et c'est vrai, il y en a, peut-être qu'il y en a qui ne s'étaient pas rendu compte et il suffit de leur dire, puis ils font « Ah oui !» Mais personne ne se dit « Bah non, quand même !» Mais est-ce qu'ils s'en souviennent après, des années après, parce que quand ils votent, par exemple? Non, mais t'attaques tout de suite des questions ouais, faciles, hein. Bah oui, non, mais oui, bah, c'est comme je ça. Je sais pas pour l'instant si le positionnement par rapport à l'objet jeu vidéo conditionne vraiment l'objet sur le, pour, bah, par rapport à leur vote. Mais N'empêche qu'on voit tous les politiques qui vont faire, notamment quand ils sont en campagne, leur petit tour dans, chez des développeurs, etc. Oui. Mais oui, mais ça, c'est aussi c'est le côté, sur, comme vous le disiez, sur le côté innovation technologique. Quand tu vois Fleur Pellerin qui va donner de l'argent à Ubisoft et Quantic Dream pour qu'ils fassent un moteur 3D français, c'est aussi parce que c'est une manière de promouvoir un produit d'excellence française. Donc c'est d'un point de vue politique, c'est normal. Mais c'est, et ça, c'est aussi déjà un point de légitimité. Ça touche plus de monde que la simple, les joueurs oui. revendiqués. C'est ce que je dis, ça touche déjà le jeu vidéo du point de vue de l'industrie. Le jeu vidéo maintenant, c'est une industrie comme une autre, même si elle est plus grosse que plein d'autres. Mais c'est déjà vu des paris politiques comme une industrie comme une autre. Il faut que l'objet maintenant jeu vidéo soit vu comme un objet de culture de masse, comme les autres, sans être nécessairement juste rangé sous la culture du loisir, culture jeune. Pour, je vais faire une sorte de mise en abîme, et pour revenir à nouveau, je reviens pas mal en arrière, sur ce qui se produit comme contenu journalistique ou périjournalistique autour du jeu. Je vais m'arrêter pour parler un petit peu d'un milieu que je connais mieux que le jeu vidéo, à savoir le jeu de rôle. Je sais que l'appareil critique du jeu de rôle, il s'est aussi beaucoup développé à travers des podcasters. Voilà pour la mise en abîme. bonjour la cellule. Et si notamment, hein, mais d'autres aussi, notamment des podcasts qui avaient commencé en faisant de l'actualité et qui de plus en plus vont traiter des thématiques de fond. On a parlé de Café Rôliste ou de Radio Rôliste aussi. Je ne sais pas si c'est le cas aussi en jeu vidéo, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part des choses qui émergent à nouveau de la masse, j'ai envie de dire, des joueurs qui, à un moment, eux-mêmes, vont dire, pour pallier à l'absence de réflexion, de médias, et puis d'un regard qui me paraît étrange sur le jeu, je vais m'arrêter, je vais commencer à produire du contenu, et peut-être que c'est là, dans ces formes un peu nouvelles, vidéo YouTube ou podcast, qu'on va pouvoir commencer à développer des contenus réflexifs. Je pense qu'en plus, oui. Ça, tu serais mal placé pour dire le contraire. C'est ce que je veux dire, je vais forcément aller dans ton sens, vu que c'est ce que j'ai l'impression de faire, de me dire que c'est vrai, littéralement la réflexion qui a été faite au moment de faire Merci d'Orient avec Usul, parce que ça a commencé, on faisait encore 36-15 Usul, et Merci d'Orient n'était qu'un recherche et développement à côté d'Usul, c'était de dire, bon, on se trouve qu'il n'y a pas assez de critiques dans la presse, et qu'à la place de critiques, on a du test. Ce qu'il y a, c'est que quand on discute avec des journalistes, ils ont cet argument qui est un peu un argument circulaire, de « oui, mais c'est ce que le public veut ». Et en même temps, après, tu peux dire, oui, mais c'est ce que le public veut, parce que c'est ce que tu lui donnes, etc. Et donc, forcément, il vient, c'est, ben, si personne ne donne ça au public, effectivement, le public ne voudra jamais de contenu critique si personne ne lui propose jamais de contenu critique. Du coup, on s'est dit, on va essayer de commencer à donner des outils critiques du jeu vidéo à travers Merci d'Orient. Mais je ne suis pas le seul à faire ça, il y a plein d'autres gens qui le font à leur manière aussi, par leur côté. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, ben, on va voir si les gens s'approprient du coup l'aspect critique, enfin en tout cas le regard critique vis-à-vis de l'objet, pour du coup que les gens qui font que du test se retrouvent face à des gens qui sont en demande de critique. C'était la réflexion. C'était pour pirater le système critique actuel. C'est ça. C'était alors, pensé comme ça à la base. Et alors, est-ce que le public veut ? Une partie en tout cas, mais c'est difficile de... En termes de chiffres, tu dois bien avoir une idée, par exemple, des fréquentations sur les productions de 36-15 Usul ou de Merci d'Orient. Ça reste marginal par rapport à du Cyprien, etc. Mais par rapport à du Usul, par exemple, c'est difficile de quantifier exactement, hein, parce que jeuxvideo.com, toute page confondue, a perdu la moitié de ses visiteurs. Et moi, je fais effectivement je fais moitié moins, grosso modo, voire un peu beaucoup plus, parce qu'il y a eu du 200 000 pour 36-15 Usul, que ce que faisait Usul. Période basse, il était à 100 000, moi, période basse, je suis à 50 000, grosso modo. Tu peux te dire, bah, je perds 50%, jeuxvideo.com a perdu 50% au global, est-ce que c'est pas un effet, justement, mathématique de. Donc c'est difficile d'en juger, mais après, moi, déjà, si peu de personnes ça les intéresse, c'est que moi, je suis prêt à fournir le contenu. Hein. Pas indéfiniment, mais je. Et justement, est-ce que cette communauté de producteurs, nous on se pose aussi la question nécessairement avec Adrien, hein, est-ce que cette communauté de producteurs, elle a vocation à rester dans une pratique qui oscille entre l'amateur et le semi-professionnel, on va dire, ou est-ce que elle a vocation à intégrer des médias traditionnels? Est-ce que par exemple, toi, tu te verrais, je ne sais pas, aller intervenir dans une émission dédiée sur une chaîne de télé ou sur une radio? Si on m'y invitait, oui, je le ferais. Après, ça dépend sur ou aller proposer un concept à une chaîne de télé ou une radio en disant, là, je vous propose de parler de jeu parce que c'est un phénomène social et que je pense que c'est intéressant de le mettre sur des médias broadcast. Alors, moi, à la télé, je ne le ferais pas. Pour des raisons qui m'appartiennent, j'ai pas envie d'apparaître à la télé. À la radio, si on me proposait, je pense que je dirais oui. Ça dépendra de la quantité de travail que ça demande. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver aussi les business models qui vont derrière, sur comment on arrive à nourrir un média indépendant aussi. Ça, après, je commence à en arriver à la conclusion que, vivant dans les conditions dans lesquelles je vis, c'est-à-dire en colocation, en province, la coercition au travail se fait peut-être moins sentir que pour d'autres personnes. C'est-à-dire que si je voulais, ce qui est un peu le cas, mais j'ai encore le loisir de me dire bon, « ben, je vais arrêter de bosser, on va prendre le RSA et on va voir ce qui vient ». C'est pas le cas forcément de tout le monde. Je serais parisien, par exemple, ce serait plus compliqué. Oui, là, t'es pas sur des loyers à 1 200 euros, ou du coup, c'est sûr que la rentabilité du modèle, elle est vraiment, vraiment stratégique là-dedans. Quoi. Mmh. Bon. Mais ça, c'est un truc aussi. On s'aperçoit que la plupart des médias jeux vidéo, même sur Internet, ont tendance à s'entasser sur Paris. Il y avait jeuxvideo.com qui jusqu'ici était aussi un peu une exception en étant à Aurillac. Bon, déjà, ça n'existe plus. Après, maintenant, il y a encore la même chose dans les producteurs de contenu indépendants qu'il y a sur YouTube. Par exemple, certains restent en province. On en observe quand même un certain nombre qui vont sur la capitale pour pouvoir continuer à faire du contenu YouTube en se disant bah, « c'est là qu'il faut être ». Alors justement, pourquoi il faut être ? Histoire d'expliciter un peu les raisons. Parce que c'est vrai que nous, ça nous met à l'abri d'un truc qu'on aurait refusé tout à l'heure, quoi qu'il arrive, et qui aurait fini par nous agacer. Mais on t'invite pas aux soirées de presse quand t'es pas parisien, nécessairement. Ce qu'il faut te défrayer, déjà, pour te faire venir, du coup. Sauf si tu prends tous les voyages à tes frais, mais je vois peu de personnes qui accepteraient ces conditions-là de payer pour avoir accès à l'information en tant que journaliste. Donc c'est... Alors il y a un autre modèle de production de contenu autour du jeu qui est différente du test et qui touche à des contenus diffusés en broadcast qui génèrent beaucoup d'audience. C'est l'approche un peu sportive. Je pense par exemple à des productions comme celle de la maison au gaming. Où du coup on est vraiment dans une approche sportive du jeu vidéo avec des joueurs, des compétiteurs du monde entier, avec des animateurs qui se positionnent comme des commentateurs sportifs au niveau des attitudes, au niveau du discours, au niveau de la scansion. Et on sait qu'effectivement c'est des chiffres assez importants qui sont générés à la télévision, notamment avec le football en termes d'audience. Est-ce que là il n'y a pas une porte d'entrée dans cette approche plus festive finalement du jeu et, après, et moins technique pour le coup, enfin, moins technologique, moins technologique, où c'est vrai, plus spectaculaire, c'est le spectacle qui est mis en avant. Donc oui, effectivement, mais après du coup les problèmes d'indépendance se posent de manière quasiment plus accru dans l'e-sport, où les gens qui essaieraient de couvrir, par exemple, des événements qui ne sont, pour, on va dire, pour du StarCraft 2, pour reprendre un truc qui est beaucoup streamé, un événement où Blizzard n'est pas partie liée va avoir du mal à exister. Et du coup, les streamers qui vont aller faire cet événement où Blizzard n'est pas partie liée vont avoir du mal à exister aussi, etc. etc. Oui, mais c'est vrai pour le football ou la FFF est forcément partie prenante avec des sommes assez significative mise en jeu. Cela dit, c'est quand même, j'ai l'impression, quelque chose qui se développe, c'est-à-dire de commencer à regarder la pratique du jeu comme une pratique sportive, spectacle, où là on peut vraiment voir des parallèles assez forts avec ce qu'on peut avoir en diffusion d'un certain nombre de matchs, notamment de football, pas que, c'est vrai qu'on est quand même dans une culture du foot, dans les grands médias. Mais je sais que c'est quelque chose, effectivement, qui marche mieux en termes de représentation. Je sais que moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos avec Usul, j'ai eu beaucoup moins de mal à expliquer à mes parents ce que faisaient Cœur de Vandale et Rémi Hop en leur disant « c'est comme du commentaire sportif » qu'à leur expliquer exactement ce qu'on faisait nous. C'était, même si c'est pas exactement le cas pour Speed Game 80 miles à l'heure, c'est pas exactement du commentaire sportif, mais c'est facile de le résumer à ça et c'est quelque chose où les gens percutent tout de suite. Ils se disent « ah bah oui, je vois très bien ce qu'ils font, comment le jeu vidéo, ça peut être un truc d'opposition, donc comment peut y avoir du commentaire sportif par-dessus ?» C'est comme ça que tu vois les choses, toi, Yann, comme du commentaire sportif pour Speed Game ? Absolument pas. Mais alors, comment est-ce que tu vois ça ? C'est très très vaste, je vais faire un tout petit point, parce que j'aimerais plutôt interagir sur le sujet, parce que j'ai tout un plan en fait, pour réévoquer, rebalayer de manière synoptique des choses que vous avez abordées. Mais j'attendais qu'on me passe la parole, mais donc je réponds quand même à ta question. Effectivement, il y a une petite dimension sportive parce que ça se fait à chaud, notamment dans les lives. Mais pendant très souvent, on présentait des tool-assisted speedrun, donc des jeux terminés rapidement à l'aide d'outils sur émulateur. Donc là, la dimension sportive, c'est du commentaire à froid, a posteriori, donc ça n'a pas vraiment de sens. C'est pareil quand on commentait des records du monde à froid, a posteriori, aucun intérêt. Enfin, c'est pas sportif du tout, on était plutôt très analytique. C'était analytique, expliquer la démarche éventuellement esthétique, politique, philosophique, c'était tous les éléments-là, explicatifs, donc c'est très analytique. En gros, c'est du contenu critique pour comprendre une pratique culturelle. C'est vrai que je pensais plutôt au live, pour le coup. Voilà, mais pour le live, oui, il y a une petite dimension. Il y aurait, même si spontanément, les gens ne qualifieraient pas, par exemple, le speedrunning d'e-sport, il y aurait une vraie critique de l'e-sport à faire. Et ça tombe bien, il y aura bientôt un sujet sur l'e-sport. Mais du coup, oui, il y a une dimension sportive dans le live, notamment dans les races, sur des sites comme Speedrun Live ou autre. Il y a une dimension sportive au sens, une dimension, enfin de toute façon, le sport, ce sont des jeux sportifs, rappelons-le quand même. Les gens ont tendance à oublier ça et ça me chagrine beaucoup parce que on oublie du coup la dimension ludique en tant que règle et le plaisir de jouer qu'il y a dans le sport, alors qu'à la base, le sport, c'est les jeux sportifs. C'est parce que c'est la compétition qui vient faire gangréner un petit peu la chose, bien que j'accepte tout à fait la compétition dans un cadre très restreint qui est ludique, mais restreindre le sport à la compétition, je trouve ça effroyablement triste. Et c'est ce qu'on fait en ce moment quasiment dans l'e-sport, pour le dire de manière succincte. Ça permet presque d'en tirer une légitimité aux yeux des gens qui voient le sport comme de la compétition avant de le voir comme un jeu. Oui, mais c'est souvent ce que font les gens quand on regarde des discussions, ça va être... Mais c'est comme le sport, c'est de la compétition. C'est l'argument massue en général. Ah, c'est de la compétition ? Ah bah ouais, c'est du sport. Donc c'est effroyablement circulaire, mais il y a justement une vraie critique idéologique à faire justement sur un sport particulier qui est le reflet d'idéologie dominante. Encore une fois, je trouve ça bien, mais c'est pas que ça le sport, quoi. C'est l'acte en lui-même, c'est faire du sport, c'est aussi la coopération, il y a tellement de choses à faire, c'est très restreint ce qu'on nous montre dans les médias. Je profite qu'on ait le temps. Justement, philosophiquement, toi, comment tu conçois justement la différence entre compétition, sport, jeu, et comment ça s'imbrique aussi l'un dans l'autre ? La compétition, c'est un cadre qui vient surajouter. On va dire par exemple, voici des règles qui vont se surajouter pour paramètres d'inscription. Qui a le droit de s'inscrire ? Quel jour où vont avoir lieu la compétition, et ça va être un cadre en gros qui va faire, notamment dans les jeux d'opposition, on va essayer de déterminer qui est le meilleur, voilà, qui maîtrise le mieux les règles, qui sait le mieux s'adapter à son adversaire, parce et que là on glisse vers le jeu avec les règles. Oui, avec le jeu, mais de toute façon il y a évidemment des règles, le jeu comme ensemble formel de règles, mais il y a la dimension il faut être le meilleur, donc il y a l'idée en fait de mieux connaître les règles, mieux les appliquer, mieux s'adapter, quoi qu'il en soit, dominer son adversaire ou ses adversaires. Parce qu'au final, il y a très peu de jeux de coopération, parce que même quand on voit des jeux de coopération, par exemple, à la télévision, ce sont des jeux de coopération, mais dans un cadre d'opposition. C'est deux équipes qui s'affrontent. C'est pas de la vraie coopération, ça pourrait être simplement une équipe qui essaie de faire une prouesse. Dans l'idée, là, c'est encore un cadre, c'est un jeu avec une mise en abîme de jeu. Minecraft, quoi. Mais il y a plein de modèles qu'on pourrait faire, c'est juste qu'on est un petit peu en manque d'imagination. Même là, quand on parle, on n'a forcément pas les exemples, parce qu'en fait, ces choses, la plupart, ne sont pas faites. Ça pourrait être, enfin, il y a des tas de choses à faire. On pourrait les imaginer, mais ce serait des digressions très longues. C'est dans ce que tu citais, effectivement, on a cité les sports, on a cité les sports et l'e-sport. Dans un cadre plus analogique, finalement, on est un peu sur la même dérive avec la représentation télévisuelle du poker. Or, pas que pour le poker, c'est pour le sport aussi, parce que justement, je vais pouvoir le faire. Justement, c'est un des trois points que je voulais aborder. Donc, un des trois problèmes, moi, que je voyais par rapport à la question média et jeu, c'est quoi le problème ? C'était mon deuxième point, c'était par rapport à la représentation. Vous avez abordé déjà quelques points, justement, en parlant du cinéma, sur la représentation des joueurs, où nous, en tant que joueurs, ça nous fait marrer parce qu'on se dit, mais Mais non, on se coupe pas les manettes comme ça, sauf depuis la Wii. Mais le film, c'est un peu anachronique parce qu'il date de 20 ans avant la Wii. Donc tu dis non, on joue pas comme ça. Le mec, il joue et ça se passe beaucoup sur l'écran. C'est l'interface homme-machine, ça se passe dans la tête, ça se passe sur l'écran. Il n'y a pas excessivement besoin de bouger son corps. Donc ça, c'est effectivement, c'est, la représentation, c'est intéressant. Mais là, pour revenir à ce dont tu me parles, effectivement, on présente certains jeux et avec des biais dans la représentation. C'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur quoi ? Ça va être c'est la starisation qu'on a déjà dans le sport, qu'on trouve dans le poker. C'est plutôt que montrer de parler du poker associatif ou des jeux associatifs, on va montrer les meilleurs, toujours les mêmes d'ailleurs, avec une place forte pour l'argent. Alors dans le poker, c'est encore pire que peut-être dans d'autres sports. Et pourtant, j'adore le poker comme jeu. Hein. Pourtant, c'est, ouais, là, en plus, dans le poker, c'est exhibé au bout de la table en général. C'est ça. Alors, c'est même pire. C'est des filles, souvent, c'est plus des filles en string, mais on appelle ça les Royal Flush Girls. C'est des filles, des babes, comme on dit en anglais, qui arrivent en petite tenue et qui amènent tout l'argent sur la table au moment du heads up. Donc, en plus de la starisation, on va avoir He won $1 million, très à l'américaine. Ça, c'est. Et là, il y a une différence radicale, justement, d'effet de médium. À la télé, ça va être très justement spectaculaire, avec toutes les dérives que Guy Debord a pu pointer dans la société du spectacle. C'est-à-dire, c'est vraiment... les hélicoptères, les millions de dollars. Et il suffit de voir l'US Open par rapport à Roland-Garros. L'US Open, c'est beaucoup plus dans... Vous êtes content, vous avez gagné $1 million. À Roland-Garros, c'est vous êtes content, vous avez gagné le tournoi. Non, mais c'est une différence radicale. Je veux pas mettre en avant une exception éventuellement française, c'est pas du tout le cas, mais sur cet événement, par exemple, tennistique, sur une compétition de même niveau, on voit que le traitement n'est pas le même. Et là, je pense qu'à la télé, on a largement copié ou pillé la manière de faire des Américains, c'est-à-dire une manière très très spectaculaire de montrer le poker. Donc c'est les stars, c'est l'argent, ils vont plutôt préférer le bluff et les bad beats et la malchance à la technique pokeristique, parce qu'en fait c'est un jeu où les meilleurs joueurs sur le long terme gagnent. Mais on aura l'occasion d'en parler dans le prochain podcast. Donc là je m'étends pas trop, mais dans l'idée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que ça induit en fait une mauvaise représentation, parce que les gens se disent quoi? Ah bah n'importe qui peut jouer, n'importe qui peut gagner. Ce qui est faux. C'est ce qui est faux, c'est-à-dire si tu veux gagner, comme dans tout jeu, il va falloir travailler ta technique, tes probas, etc. Mais c'est, du coup, c'est parfait, la personne va se dire, pour des mauvaises raisons, parce qu'elle risque de perdre de l'argent en l'occurrence, mais c'est toujours une manière particulière, comme si c'était réservé qu'à certains bons joueurs. Et pour revenir sur le sport, ça va être, il faut être bon pour faire du sport. Ben non, on peut faire du sport avec ses amis pour le plaisir. Mais si on s'en fie au discours de la télé par rapport à la représentation, c'est extrêmement pauvre et on a une très mauvaise image de ce qu'est le sport et de ce qu'est le jeu, pour revenir au sujet. Parce que si on s'en fie aux médias dominants, alors sans aller nécessairement taper sur des médias généraux, mais même, ne serait-ce que nos médias spécialisés, comme ils confondent souvent news et info, et information et publicité, il y a d'énormes biais de sélection, et il en résulte quoi ? C'est que les enfants connaissent toujours les mêmes jeux, qui par ailleurs peuvent avoir des qualités, comme des Call of quelque chose, donc Call of Duty, GTA V, FIFA sont les jeux les plus connus. Les parents souvent qui sont non-joueurs ne connaissent que ces jeux. Donc il y a des inquiétudes, mais en fait elles sont complètement alimentées par le fait qu'il y a des biais de sélection. Il y a des milliers de jeux, des milliers de scènes, et on nous présente que toujours les mêmes jeux. C'est encore plus... Je serais tenté de penser que c'est presque un phénomène encore plus prégnant en jeux de société, puisque quand on parle un petit peu à des gens, notamment des gens qui ne sont pas forcément des passionnés de jeux de société, il est difficile d'échapper au monopoly, à la bonne paye et au risque, qui sont quand même des trucs antédiluviens, quoi. Oui, c'est sûr, c'est des jeux qui, par ailleurs, peuvent avoir petite qualité, mais il y a eu de tels progrès en termes de game design. Pour reparler du jeu de société, de jeux vidéo, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve absolument prodigieux, c'est pas justement l'aspect technique qui a pu évoluer, mais même si la technologie donne un nouveau langage, de nouvelles possibilités, c'est la 3D. Tant mieux, les sauvegardes, tant mieux, le casque, tant mieux, ça peut faire des bonnes choses. Mais disons que moi, ce que je trouve prodigieux dans l'histoire du jeu vidéo, c'est plutôt les capacités de raisonnement des gens, les capacités de game design qui ont évolué. On raconte mieux une histoire. Il y a des interactions beaucoup plus complexes, et donc dire c'était mieux avant, c'est globalement faux. Enfin, je veux dire, tu étudies un peu le corpus, la force de proposition qu'il peut y avoir auprès de plein d'indépendants, tu te rends compte que non, il y a des jeux extraordinaires qui sont peu médiatisés. Ça n'enlève pas toutes les qualités, parce que les qualités qui ont pu être celles de ceux qui ont pu faire des jeux dans les années 80-90, c'est qu'avec des outils très précaires, ils ont réussi à faire des choses. Et c'est ce qui étonne d'ailleurs, si vous parlez à des devs ou à des programmeurs, ils se disent « mais avec tel langage, ils ont pu faire ça, mais ils ont dû bricoler ». Bah ouais, c'était du bricolage à l'époque. Et maintenant, on a un vrai savoir-faire, on a des langages informatiques très souples, on a du hardware très puissant, et on a des concepts, donc du game design, vraiment bien peaufiné, même s'il ne faut pas tomber évidemment dans les dérives avec l'influence économique du marketing et tout ça. On a aussi une formation. Maintenant, il y a des formations académiques du game design, enfin plus dans le jeu vidéo, ce qui est moins le cas dans le jeu de société, par exemple. Cela dit, je me permets d'intervenir, on en parlait avec Aurélien Lefrançois, qu'on a interviewé il y a peu de temps, qui pour le coup a suivi une formation de game design en jeu vidéo, dans laquelle on fait intervenir des gens comme Antoine Bozac, un game designer de jeux de société. Les passerelles, comme tu disais Dorian, sont très nombreuses et visiblement les formateurs l'ont bien compris en tout cas. Tout à fait, ça c'est clair, c'est souvent une des premières choses que des game designers donnent comme conseil à d'autres game designers, c'est commencer par faire des jeux de société, vous n'aurez pas le souci de la difficulté technique. Donc effectivement, pour éprouver du concept, et pour une raison simple en plus, c'est qu'en jeu de société, vu que le programme ne va pas faire appliquer les règles de manière mécanique, donc il y a besoin de connaître les règles dans le jeu de société, donc il y a un effet de médium qui est, il faut qu'il y ait entre guillemets peu de règles pour que ce soit jouable. Et donc on voit si le game design il est très très pur, on voit le squelette. On peut pas faire trop de fioritures, les gens ils vont pas jeter 500 dés. C'est un profil hyper de niche. Moi éventuellement je pourrais le faire, mais je veux dire c'est une minorité, ce serait un jeu un peu fastidieux. Oui, c'est les jeux de Perceval dans Kaamelott, quoi. Il faut des poutres et compagnie. En jeu de rôle, on a des phénomènes, pour le coup, et je pense que c'est un des éléments qui fait que ça reste un marché de niche, on a effectivement des livres de règles qui passent allègrement les 100 pages, ce qui est quand même très très très loin du manuel des jeux de société. Et les sauts de dés. J'utilise 4 caractéristiques en même temps. Mais avec aussi beaucoup d'évolutions de game design, oui. Et des choses qu'ont considérablement bougé de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'on voit bien à nouveau, là aussi, elle est très très visible, les évolutions de game design entre l'émergence dans les années, à la fin des années 70 et puis maintenant, une quarantaine d'années plus tard. Je me permettrai un tout petit aparté avant de terminer sur la représentation. Effectivement, on a des formations, mais il y a un piège par contre. Il faut être très vigilant. Je ferai un parallèle avec la FEMIS pour parler du cinéma. C'est-à-dire qu'on peut acquérir un savoir très académique. Mais faut être très vigilant à ne pas apprendre par cœur des recettes. Alors c'est sûr, c'est très pratique pour sans doute former des gens qui vont faire des jeux qui vont marcher ou qui vont être rentables. Mais faut pas oublier que apprendre à faire des jeux, c'est simplement faire des jeux avec des gens, travailler et éprouver les concepts. Et simplement, c'est tout un travail qui va après s'apprendre parallèlement à l'école ou même après. C'est-à-dire que si on fait le pareil avec le cinéma, énormément de réalisateurs n'ont pas forcément fait d'école. Ils ont fait des films, parfois des mauvais, et petit à petit, ils ont éprouvé le concept, éprouvé la technique, ils ont travaillé, quoi, simplement. Et on travaille avec des gens et commence à se dégager des choses. Et c'est là qu'on peut avoir des discours notamment dissonants. Parce que même si on a tout un appareillage très fin dans les écoles, c'est très intéressant, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas normatif. Dans toutes les disciplines, on a ce problème. Dès qu'en fait, il y a l'académie où on institutionnalise, on peut aussi standardiser un peu le discours ou la manière de faire. Donc il faut toujours être vigilant. Je conseillerais aux gens de le faire avec toujours un recul critique, c'est on m'apprend ça, c'est bien, mais gardons une certaine distance, ça peut me servir comme outil, ça marche comme recette, mais moi comment je me le réapproprie ? C'était là l'aparté, simplement. Et donc ça, c'était ton premier point sur 3, c'est ça ? Oui, c'était la moitié du premier point, mais ouais. C'était... on va pas s'ennuyer dans le prochain podcast. Mais je vais faire très très vite sur la fin de la représentation, c'était juste pour dire qu'effectivement, pour poursuivre, avec les sites spécialisés comme peuvent l'être jeuxvideo.com, Gameblog ou autre. Comme l'a dit Dorian, on intervient dans des médiathèques et des ludothèques. Et chose surprenante, quand on leur dit que le jeu vidéo, c'est du jeu, en général, ils n'ont pas de résistance, mais c'est une découverte. Ça peut paraître très surprenant pour des joueurs comme nous qui sont très hétérogènes, on joue à tout un tas de types de jeux, y compris du coup des jeux de société, des jeux de rôle. C'est qu'ils sont là, je ne l'avais jamais vu comme ça. Et en fait, ils sont pas en faute. Parce que si on regarde, par exemple, les sites de jeux vidéo, ils ne parlent que de jeux vidéo, ils parlent jamais de jeux de société. Il est aussi vrai des sites de jeux de société qui parlent pas de jeux vidéo. C'est exactement pour ça qu'on a monté Ludologie. Et c'est pour ça qu'on a des affinités quand on discute, même en dehors. On se rend compte du continuum qu'il peut y avoir, de la continuité, justement, entre les différentes formes de jeux. C'est pas discret, c'est pas des catégories complètement closes. Et la technologie, on va en plus nous montrer que c'est de plus en plus perméable. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'eux vont voir des points communs avec le cinéma. Et pour des raisons économiques et de modèles, de business model, on le comprend tout à fait. Alors que c'est quand même. Il y a la relation à l'écran aussi. La relation à l'écran, la narration, les cinématiques toujours plus importantes. On est content, on joue de moins en moins, donc bientôt on aura. C'était une formule sans de Karim. Des QTE. Oui, c'était une formule de Karim dans une conférence que j'avais faite il y a 2 ans. C'était. Bientôt ils vont faire des films. Mais ils vont être contents, c'est-à-dire, ça y est, on a réussi à faire des films. En partant du jeu. Et c'était. Effectivement, on pense à la technologie, on pense au cinéma et on pense même plus au jeu, ce qui est juste hallucinant. C'est. Et justement, pour rebondir là-dessus, quand on parlait de la constitution d'un savoir critique des joueurs aussi, cette porosité entre jeux de plateau, jeux vidéo, moi, me semble essentielle, parce que c'est vrai que quand t'es joueur de jeux classiques, que ce soit des jeux de cartes, des jeux de plateau, peu importe les familles de jeux, tu as pris l'habitude d'explicitement jouer avec des systèmes de règles. Alors que dans le jeu vidéo, le système de règles est caché. Donc, tu prends pas t'as pas forcément, en tant que joueur de jeu vidéo, c'est ce que je dis, parfois on te met la manette entre les mains, t'appuies sur tous les boutons, tu vois comment ça marche, et ok, c'est bon. Et t'as pas forcément l'impression, toi-même, quand t'es en train d'appuyer sur tous les boutons pour voir ce que ça fait, d'être en train d'étudier un système de règles. Alors que quand tu vas chercher justement les colons de Catan, que tu sors le livret et que tu lis les règles, tout de suite tu vas chercher justement, t'es déjà dans l'analyse du gameplay, du jeu. Alors dans tout ce qui a été dit, je me rends compte d'une chose, c'est que actuellement dans ce que je peux lire à droite et à gauche, on remarque que les créateurs deviennent critiques, ce qui en fait a été le cas inverse pour le cinéma, où ça a été des critiques qui se sont fait créateurs. Et justement, peut-être, est-ce que les créateurs ne deviennent pas les journalistes et non pas l'inverse, comme ça a été le cas avec les cahiers du cinéma? Alors, encore une fois, on va faire commencer pour expliquer cet état de fait-là. En disant qu'effectivement, le discours critique sur le jeu vidéo vient aussi des créateurs d'une certaine manière, en partie à cause de la Game Dev Conference, qui a été créée par des développeurs pour que justement il y ait une synergie des savoirs entre les différents développeurs de jeux vidéo, pour que justement mettre en commun les connaissances, et du coup c'est comme ça que s'élabore le savoir critique. Alors que dans le cas du cinéma, on arrivait à un point aussi où la facilité technique de faire du cinéma fait aussi que des gens sont allés en école de cinéma sans être forcément déjà créateurs. Et donc, c'est des gens qui se sont retrouvés avec un savoir cinématographique sans forcément être eux-mêmes producteurs. Et c'est la position du critique, justement, qu'on s'est retrouvé avec des Truffaut, des gens comme ça. Et il y a aussi, je ne sais pas dans quelle mesure il est nécessaire que ça vienne des créateurs, que ce mouvement-là est particulier aussi, parce qu'on ne le retrouve pas dans le jeu de plateau. Quand tu regardes la presse qui parle du jeu de plateau, tout de suite, on arrive dans une analyse critique du gameplay, ce qui n'a pas été le cas dans le jeu vidéo. Donc c'est pas nécessairement le rapport au créateur qui change quoi que ce soit. Parce que les créateurs, justement, n'ont pas eu spécialement cette influence-là sur le jeu de plateau. C'est les journalistes qui, de même, se sont dit « bah on va parler de jeu de plateau, on va analyser les règles ». C'était un mouvement logique. Alors que maintenant, c'est vrai qu'avoir des trucs de fond sur les jeux vidéo, il y a une source que moi je trouve privilégiée, que sont les post-mortem. Les gens qui vont te parler du développement d'un jeu après que le jeu soit sorti pour dire « voilà les problèmes que j'ai rencontrés, voilà comment je les ai résolus ». Et ce qui, ça, du coup, permet d'avoir justement une approche critique du jeu en disant « Ah bah oui, c'est ça les intentions qu'il y a derrière le jeu. » Parce qu'en fait, l'approche critique aussi, c'est essayer de décrypter les intentions derrière l'œuvre. Est-ce que les nouveaux outils de conception de jeu, alors plutôt de jeux vidéo pour le coup, qui permettent d'approcher à la création de jeux sans avoir à trop faire de code, facilitent pas ce trajet-là, justement, de pas avoir à trop se poser la question de « va falloir que j'apprenne tout un langage informatique complexe et du coup, je vais pouvoir me poser une réflexion critique et puis la mettre à l'épreuve des faits par moi-même sans avoir 2, 3, 5 ans d'apprentissage avant pour apprendre à maîtriser ne serait-ce que le langage. » Oui, effectivement. Parce que c'est vrai que si je prends mon exemple, si je fais un travail réflexif, c'est-à-dire que je regarde comment moi, j'ai évolué pour m'intéresser au game design de jeux vidéo, effectivement, j'aurais jamais pensé à commencer à essayer ce que je pensais s'il n'y avait pas eu des outils comme GameMaker ou même comme Unity, où maintenant tu peux copier-coller des lignes de code que tu trouves dans les forums techniquement et avoir un jeu qui marche sans comprendre tout forcément ce que tu as mis dans ton jeu. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était une pratique que j'avais déjà avant, de rééquilibrer les jeux de plateau auxquels on jouait à la maison, et même de produire mes propres jeux, parce qu'on jouait à des jeux qu'on inventait quand on s'emmerdait en cours. Et donc on avait déjà une approche de game design, et je me suis dit, mais en soi, penser un jeu vidéo, c'est pas différent que de penser à un jeu tout court. Mais c'est vrai qu'en jeu de société, le hack de jeu, c'est presque la norme. Je ne compte pas le nombre de jeux où, relisant les règles après plusieurs années de pratique, je me suis rendu compte que j'avais arrêté de jouer au jeu tel qu'il existait depuis très longtemps, tout simplement parce que j'avais oublié certaines règles et que du coup, elles n'étaient pas intégrées dans le corpus pratique. Du coup, on jouait pas tout à fait le jeu prévu par le créateur, ce qui est plus complexe en jeu vidéo nécessairement, puisque on peut pas changer les règles sans le savoir. Typiquement, quand je vois les gens qui disent « Ah, moi j'aimerais bien faire un jeu et j'aimerais bien qu'il ressemble à ça », les gens qui le font pour le jeu vidéo, c'est souvent « J'aimerais bien raconter cette histoire par le jeu vidéo », qui a certaines analogies parfois avec des histoires qui l'ont marqué dans le jeu vidéo. Ce qui est pas une attitude, par exemple, qu'on a dans les gens qui modifient et qui veulent faire du jeu de plateau. Je sais que moi, le moment où je me suis rendu compte que c'était du game design et où j'avais un rapport critique avec les règles, c'était avec HeroQuest. Et où, en fait, étant pas vraiment en âge de comprendre complètement un livret de règles, même si HeroQuest, franchement, c'est un livret de règles tout petit, mais j'étais vraiment jeune, j'ai commencé à jouer avec des règles qu'on avait un peu imaginées avec mes copains, etc. Et quand j'ai lu le livret de règles après, je me suis dit « Oh, je trouve que le vrai jeu, il est moins bien que celui auquel on joue. » Et donc là, déjà, je me suis dit, je suis en train de critiquer, je me le dis rétrospectivement, parce qu'à l'âge que j'avais, j'avais pas un rapport critique à mes pratiques comme ça, mais déjà, je m'étais rendu compte du coup qu'il y avait des systèmes de règles qui me convenaient mieux que d'autres. Yann, tu voulais rajouter quelque chose sur ce trajet critique-pratique ? Les deux, en fait. Je vais répondre à vos deux questions. Ça va être... Combo. C'est ça, mais en fait, il y a un lien. C'est simplement ce qu'on appelle l'effet de médium et le contexte technologique. Alors, je vais répondre de manière chronologique. Tout à fait, on a des développeurs maintenant, des game designers qui se font critiquer, mais c'est surtout lié en fait au contexte technologique, et notamment le médium qu'est Internet. C'est-à-dire que maintenant, n'importe qui peut avoir son blog. C'est très facile de faire une interview sur Skype, donc c'est très facile de donner la parole, d'autant qu'on se sent plus particulièrement impliqué parce que les équipes pour les jeux indés sont plus petites. Donc c'est notre projet, les outils se simplifiant, on se concentre plus sur le game design, sur l'histoire, et donc sur ce qui est finalement essentiel. Parce qu'à la base, même si on salue le travail des codeurs, on a besoin d'eux, mais c'est toujours la question redoutée à chaque fois du game designer, c'est « Voilà, mon jeu c'est ça, est-ce que tu peux le faire ?» Et des fois la réponse c'est non. Et donc on voit bien que dans tous les langages ne peuvent pas tout faire, et si le langage progresse, on peut faire plus de choses, et parfois si le langage se simplifie, on peut faire plus facilement les choses, et donc du coup on n'a plus qu'à se concentrer sur le game design. Et donc le game designer, qui parfois en plus est aussi celui qui veut raconter certaines histoires et qui va coder, il a juste à se dire « Qu'est-ce que je veux faire ? De toute façon je peux le faire. » Donc à terme, on n'en est pas là encore à l'heure d'aujourd'hui, on n'en est pas à ce qu'on appelle l'étape du jeu amateur qui vient après en fait l'étape du jeu indé, où tout le monde pourrait facilement, comme on peut prendre un stylo et raconter une histoire, sous réserve qu'on travaille notre rhétorique, la plume, etc. Là, il y a juste à travailler le concept, enfin il y aurait à travailler que le concept si on avait des outils si souples, mais on y arrive. Ce qui fait que maintenant, comme on peut tout faire et que c'est très simple, on a juste à se dire « je veux faire, c'est possible ». Alors que dans les années 80-90, c'était beaucoup plus « je veux faire, je sais pas faire, bon ben, je peux pas garder cette idée ». Et ainsi de suite, donc je répondrai oui à ta question. On peut plus se focaliser sur le game design parce que les outils nous permettent justement, sont plus souples, sont plus simples de prise en main, etc. Donc ça, c'est un oui. Et pour revenir sur la première question... La question de la critique, donc. La question de la critique, c'est Internet justement, avec ses blogs, ses interviews faciles, mais par contre, je mettrais une nuance, c'est que je ne vois pas forcément un chemin inverse par rapport au cinéma. Pourquoi ? Parce que certes, les développeurs et les game designers se font critiquer, parce que le contexte technologique s'y prête, mais les spectateurs se font aussi critiquer. Et la question, c'est pourquoi ça ne s'est pas fait à l'époque du cinéma ? Mais il n'y avait pas Internet avec cette pseudo-horizontalité, cette facilité en fait à simplement... donner son opinion, communiquer, échanger. On aurait eu Internet dans les années, 50-60, ou 70, il y a fort à parier que les réalisateurs se seraient fait critique, parce qu'ils ont travaillé, ils peuvent facilement donner leur opinion, dire « j'aurais préféré travailler comme ci ou comme ça ». En fait, c'est vraiment on est dans le plein matérialisme historique, c'est qu'il y a un contexte en fait, économique, technologique et social qui va faire que là, c'est plus facile d'avoir la parole, parce qu'on peut plus facilement être écouté, il y a une diffusion... entre guillemets horizontale, parce qu'on peut la critiquer, l'horizontalité, j'en profite pour faire l'aparté d'il y a à peu près 45 minutes sur effectivement cette horizontalité qui est quand même menacée par les modèles verticaux de la télé qui sont reproduits dans les habitudes de consommation des gens, mais ça c'est l'aparté. Mais cette horizontalité en tout cas explique notamment cette impression qu'il y a un chemin de va-et-vient, mais qui est vraiment dépendant du contexte en l'occurrence à mon sens. Yann, pendant que tu as la parole, je vais te la laisser. Tu avais deux autres points, je crois, que tu voulais soulever par rapport aux discussions qu'on a eues avec Dorian au cours de cette première heure. Est-ce que tu peux nous les exposer assez rapidement ? Oui, très rapidement. De toute façon, globalement, vous avez à peu près tout abordé. C'était des compléments et en répondant, j'ai essayé d'être synthétique pour tout aborder. Donc là, c'était la représentation. Il y avait sur l'indépendance, j'en dirai pas trop parce que vous avez pas mal évoqué le sujet, mais il y a un point qui n'a pas été abordé parce qu'en fait, il est tellement évident, ce qu'on en discute souvent, mais rappelons-le, l'indépendance c'est quoi ? L'indépendance, il y a plusieurs sens, ça peut être l'indépendance idéologique en termes de ligne éditoriale, esthétique dans le cas d'un jeu, mais là on parlait plutôt de médias et jeux, donc je vais m'intéresser à ceux qui montre le jeu vidéo, qui en parle pour en faire la pub ou donner de l'information. Et c'est surtout l'indépendance économique. Et c'est en fait c'est le point crucial en fait. C'est pour ça que la critique marxiste est intéressante et que beaucoup plus devrait. Pour le monde du jeu vidéo, on pourrait la faire facilement. À partir du moment où c'est la même personne qui vous fait manger et c'est la même personne qui vous donne les jeux que vous devez critiquer, on le sait, il y a un véritable problème parce que quand bien même on est un bon journaliste, on a une éthique, on a une déontologie, etc., c'est toujours très problématique. On est dans un rapport strictement vertical, le pouvoir n'est pas de notre côté. Et on sait qu'il y a beaucoup de journalistes à faire du bon travail. Donc ils essaient de résister, mais c'est presque ces formes de résistance sont marginales par rapport à ce poids, ce déterminisme. C'est-à-dire qu'il va falloir parler des jeux qui marchent, parce que sinon les sous, qui les a, ça va être EA, ça va être les gros éditeurs, on va pas pouvoir tout dire parfois, mais sans aller dans un fantasme du complot ou autre, c'est des mécanismes. C'est-à-dire que ça va... Donc il faut penser des modèles alternatifs, ça pourrait être l'État qui vient au secours du journalisme. Journalisme d'État, c'est-à-dire indépendant par rapport aux finances et... donner l'information, c'est aussi important qu'avoir une justice indépendante d'une certaine manière. Donc il y a des vrais modèles à penser comme ça, comme on a des institutions saines, c'est des... Faire du travail sain, c'est pas se poser la question de... si je dis ça... Déjà, quand on commence à se dire « si je dis ça, je veux... » Il y a peut-être un problème, ça... Non, il faut faire, informer et critiquer. Donc c'est, voilà. C'est la question que peuvent se poser tous les journalistes, en fait. Tous, hein. En fait. Oui, après, la critique d'État, c'est... On sait qu'il y a le travail de lobby qui aussi fait que l'État n'est pas totalement maître... Ouais. Et possesseur de ses actions. Quoi. Oui, certes, mais pourquoi ? C'est parce qu'on est dans une période en fait, où on donne de moins en moins de pouvoir à l'État. C'est-à-dire qu'en gros, l'État tout maigrelet que veulent les libertariens ou les ultralibéraux et autres, c'est-à-dire c'est un État qui est tellement petit et qui a tellement peu de pouvoir que finalement, il décide plus de grand-chose. Et effectivement, quand on est des lobbies, les sociétés ultralibérales capitalistes avec des multinationales très puissantes, alors on excède largement le jeu vidéo, mais effectivement, si... c'est elles qui peuvent décider, en fait, vu qu'on a l'État a perdu énormément de pouvoir. Donc il y a une vraie, en fait, pour avoir une critique indépendante, même une création indépendante, il faut vraiment se focaliser sur, en tout cas, les questions économiques. C'était juste pour rappeler ça aux auditeurs. Hein. Oui, parce que moi, je voulais revenir encore une fois sur le problème de l'intention des journalistes, où souvent, on se dit, tu vois, c'est l'image qu'on a souvent vue dans les commentaires jeux.com, c'est le chèque d'Activision. Vous avez reçu le chèque d'Activision, donc vous êtes gentil. C'est une vision un peu caricaturale du truc. Parce que pour connaître une personne qui s'est retrouvée dans une position à être critiquée récemment sur des questions de voyage chez l'éditeur, etc. Il y a Xsurf qui s'est retrouvé au milieu de la polémique dont tu parlais tout à l'heure. Alors que moi, connaissant Xsurf, je sais que quand il se rend chez From Software, le créateur de Dark Souls, c'est parce que lui, son domaine d'expertise, c'est Dark Souls et qu'il ne va pas payer de sa poche son voyage au Japon pour pouvoir en parler en allant voir directement le développeur. Donc effectivement, il se retrouve dans ce press tour avec Julien Chiez, les gens de jeuxvideo.com, les gens de Gamekult. Ça donne ce côté, justement, quand les gens ils disent la mafia, que c'était, je sais plus ce que c'était le titre. Ils n'ont pas les mêmes maillots, mais ils ont la même passion, etc. C'était effectivement, vu de l'extérieur, ça crée ce sentiment-là. Mais tu peux pas te dire que Xsurf est allé là-bas dans un pur esprit de soumission de « je vais faire la promotion du jeu », etc. Mais après, tu vois, c'est l'idée de la pub. C'est vrai que les gens sont critiques vis-à-vis de la pub, ce qui est une position que je partage entièrement et que j'utilise Adblock pour être complètement, complètement honnête. Mais c'est vrai que par exemple, on m'a déjà dit « oui, mais toi, quand tu choisis de parler d'un jeu plutôt que d'un autre pour illustrer un sujet, c'est une forme de promotion ». Et je peux pas dire « oui, mais toutes les promotions ne sont pas forcément des démarches publicitaires ». Moi, je parle d'un jeu plutôt que d'un autre, parce qu'il me semble plus intéressant, personnellement. Mais ça, et donc, effectivement, ça se retrouve être, de fait, une promotion. Et je pense que c'est la même chose que Xsurf. S'il accepte un voyage chez From Software, donc payé par Sony, grosso modo, je suppose, plutôt que d'aller chez Ubisoft parler de Far Cry, c'est aussi pour les mêmes raisons. Donc, supposer que, du coup, il se rend là-bas parce qu'il est payé, et non pas qu'il avait les moyens, il voulait se rendre là-bas, et le seul moyen d'y aller, c'est de se faire payer par l'éditeur, c'est pas forcément le même schéma de pensée quand tu regardes l'événement. Le spectateur moyen peut aussi supposer qu'il ne pourra pas dire du mal de ce jeu-là parce que sinon il sait que l'éditeur ne l'invitera plus et qu'il ne pourra plus parler d'autres jeux, donc il est obligé de tempérer énormément son propos pour ménager la chèvre et le chou. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on parlait de problèmes de collusion dans les 36-15 Usul, parce que c'est effectivement une situation problématique. Si tu sais que exprimer ton avis honnêtement et pleinement, c'est prendre le risque de te couper de ton canal privilégié d'information, tu vas peut-être modérer tes propos. Et l'idée étant, en tout cas, pour vraiment faire la dernière parenthèse sur ce qu'on vient de dire là, c'est spontanément, les gens ont plutôt une lecture idéaliste, au sens on a une philosophie du sujet, c'est-à-dire, on va se dire, les gens ont des intentions, les gens ont leur libre arbitre, etc. Et du coup, ça alimente beaucoup de théories, de fantasmes sur « il va faire ci pour telle raison », etc. Mais c'est vraiment, simplement, en étant plus basique, ou plus, en tout cas matérialiste, c'est vraiment regarder simplement le système économique, les jeux de structure. C'est ça qui est intéressant. Parce que montrer que même quelqu'un qui aurait des bonnes intentions dans un système comme le nôtre, ben il va résister, enfin, c'est-à-dire qu'il est en situation de résistance, et même en essayant de résister, c'est pas suffisant. Enfin, c'est simplement qu'il faut changer de système, enfin, c'est ça qui est important. J'ai une question, alors du coup, quid du financement par la base, du type crowdfunding? D'accord. On a tous les deux des choses à dire. Alors ce qui est drôle, c'est que ça... Déjà... Tu parles du financement des journalistes? Oui, du financement de l'information, comme on peut voir apparaître, je ne sais plus quel site qui traite de l'actualité sur World of Warcraft, qui a été crowdfundé et donc voilà, mène sa vie, a priori, de manière indépendante, puisqu'elle a été financée par ses lecteurs. C'est marrant. Bah, dans tous les cas, ça fait un nouveau modèle économique, donc effectivement, mais c'est souvent vu, dès qu'il y a de la nouveauté, l'alternative un petit peu miraculeuse. Mais quand on en fait la critique, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que je trouve ça intéressant. Donc là, on parle financement d'une presse, il y a aussi le financement des jeux, le financement de tout un tas de projets. Mais c'est pas parce qu'il y a un financement par la base qu'il n'y a pas nécessairement une forme d'aliénation. C'est-à-dire que, c'est sûr, elle est très explicite dans la publicité. Là, elle est facile à lire. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Quelle aliénation ? Ça peut être l'aliénation, par exemple, en tenant trop compte de la réception. Ce qui est déjà le cas, par exemple, quand on regarde des gens faire du streaming, la question se pose vraiment, qu'on soit bon joueur ou mauvais joueur, on pourrait se dire, ah, ils sont pas payés par la pub, même si on peut l'être sur Twitch, on peut désactiver par exemple la pub, on peut être payé par un système de souscription. En fait, c'est une sorte de crowdfunding qui s'appelle pas comme ça, c'est juste qu'on nous donne l'argent, puis on a le produit, alors que dans le cas de la souscription, c'est on donne l'argent, on a immédiatement en fait ce qu'on veut regarder. Mais finalement, c'est assez proche en fait sur pas mal de points, et on pourrait se dire, ben là, y a une certaine liberté, et du coup, la personne fait ce qu'elle a envie de faire. Et du coup, elle est autonome. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'on peut voir que quand on commence à se professionnaliser, c'est-à-dire qu'en gros, on est sérieux, on essaye d'avoir du recul et on essaie de payer son loyer avec. Être professionnel, au final, indépendamment du fait d'être un amateur éclairé, c'est juste que il s'agit d'en vivre, parce qu'on est dans une société qui nous dit « Travaille, paye ton loyer avec de l'argent ». C'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à se poser la question. Il va peut-être falloir que je stream des jeux un petit peu populaires, quoi. Parce que bon, si je fais un speedrun d'un jeu obscur, bon, c'est pas terrible. Donc on pourrait se poser la même question sur la presse, c'est-à-dire c'est bien beau, et j'imagine qu'il y a des gens qui vont peut-être même réussir à dire on va faire quelque chose d'authentique, et c'est vraiment les quelques niches, les quelques personnes de ces niches qu'on va toucher qui vont nous financer. Mais arrive toujours le moment, le point, enfin si on n'atteint pas le point de rentabilité, si on est justement en déficit, où on commence à se dire, on va peut-être faire un compromis dans les différents articles, on va faire une page, les gens le veulent, et c'est vrai que ça peut être intéressant de faire ça, après on peut justifier a posteriori comme on veut, mais ça peut être arrangeant de faire le truc un peu que les gens attendent, et du coup d'élargir son public, et au bout d'un moment on se retrouve à faire ce que les gens veulent, ou ce qu'on imagine qu'ils veulent, parce que cette aliénation en fait ça peut être simplement on postule en fait, c'est un fantasme d'un public qui n'existe peut-être pas, mais c'est très bien le crowdfunding, mais il faut faire attention aussi à d'autres formes d'aliénation qui est l'aliénation dans le public. Surtout qu'avec le crowdfunding, c'est, l'aliénation au public, c'est déjà quelque chose qui existe. Notamment, j'ai vu certains producteurs de vidéos se dire « Mais je comprends pas. Quand je fais un truc, les gens se plaignent. Quand je fais l'inverse, les gens se plaignent. » Oh, mais ça s'appelle Internet, non ? C'est pas que ça s'appelle Internet, mais c'est qu'on a tendance à ne pas percevoir le fait qu'un public, c'est une somme d'individualités différentes. Et on se fait le public comme un bloc homogène. Finalement, on revient à ce que tu disais sur les éditeurs de magazines de jeux vidéo disant « Moi, je fais des tests parce que c'est ce que le public attend. » Mais et même enfin, la manière dont la pression du public s'exerce, c'est qu'on a une vision homogène du public. Alors que si tu regardes les choses sérieusement, s'ils se plaignent quand tu fais une chose et son inverse, c'est que c'est pas les mêmes qui se plaignent. C'est-à-dire, les gens qui disent c'est nul quand c'est trop long et ceux qui disent c'est nul quand c'est trop court, c'est pas le même quand ils commentent la même vidéo. Modulo. Toi tu dis oui mais le public il est jamais content. Modulo les trolls quoi. Ouais. Mais du coup, il y a des gens qui se retrouvent dans cette position en disant je sais pas ce que veut le public et ça devient des affres horribles. Et là, c'est parce que devrait se poser la question dans le jeu vidéo comme elle se pose dans plusieurs autres domaines, qui est de quelle est la position du critique, on pourrait le dire au sens large, vis-à-vis du public. Est-ce que je suis là pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, ou est-ce que je suis là pour dire aux gens ce que j'ai envie de leur dire ? Est-ce que je considère comme étant pertinent à dire aux gens ? C'est parce que tu peux faire une sélection des informations comme ça. Je sais que moi, par exemple, si je devais faire des Merci d'Orient pour les rendre plus catchy, je ferais plus d'humour. Mais moi, je me sens pas capable vraiment d'écrire. Je pense que je suis quelqu'un de plutôt drôle dans la vie de tous les jours, mais j'arrive pas à écrire des choses drôles. Donc, j'en écris pas. Mais je pourrais me contraindre si je voulais faire quelque chose de plus sexy. Mais globalement, je trouve que c'est intéressant, en tout cas, le crowdfunding. C'est pas pour déprimer tous ceux qui se... Parce qu'en fait, c'est intéressant, mais c'est juste directement s'armer d'un outil critique en disant attention à ne pas s'aliéner dans ce son ou ces publics. Et avec notamment différents modèles économiques qu'on peut avoir. Quand on monte une entreprise, par exemple, vous pouvez avoir différentes personnes qui peuvent avoir des statuts d'indépendants, d'auteurs ou autres, ou des salariés. Alors le salariat, ça, on peut en faire la critique, ça a aussi énormément d'avantages parce que des gens se sont battus pour que ce soit pas si désavantageux que ça. Alors paradoxalement, c'est que le salariat, qui est en fait dénoncé en fait, par les marxistes, c'est maintenant limite un des statuts les plus enviés, parce qu'il y a des statuts encore plus précaires. Prenons l'exemple de ces journalistes qui voudraient faire un petit journal crowdfundé. S'ils ont un statut en fait, d'indépendant, c'est beaucoup plus facile, paradoxalement, d'être indépendant. Ça tombe bien, c'est pas pour faire un jeu de mots, mais c'est juste que du coup, en fait, on peut être plus ou moins payé. En fait, c'est-à-dire que on fait un truc authentique, ça a marché, ça a pas marché. Supposons que c'est des gens, ils sont vraiment hyper convaincus, hein, c'est vraiment des libertaires marxistes, hyper, voilà, hyper engagés, machin, ils sont prêts à... Ils vivent en coloc. En fait, c'est ça, s'adapter. Mais non, mais en fait, techniquement, la coloc, c'est ça, c'est vivre à moins de frais pour ne pas avoir besoin de beaucoup et être entre guillemets un peu plus indépendant parce qu'on n'a pas besoin de gagner beaucoup, donc on n'a pas à faire ce que les gens attendent. Et si vous êtes, donc du coup vous avez un statut souple, vous pouvez moins vous payer, plus vous payer en fonction de comment ça fonctionne. Si vous commencez à vous salarier, en fait le droit du travail prévoit que vous ne pouvez pas baisser un salaire, vous pouvez réduire les heures, etc. Mais on peut arriver dans la situation où ça commence à fonctionner, puis après les salaires faut les payer, c'est comme dans les assos, et toutes les assos traversent souvent cette phase où on se professionnalise. Toutes les assos dans lesquelles je suis, c'est ça. C'est très bien parce qu'on fait du travail encore plus rigoureux, on valorise du travail, c'est important, le bénévolat ça va, mais ça reste du travail non rémunéré. Si on peut rémunérer ce travail, tant mieux. Mais le salariat, du coup, c'est quoi? C'est tous les mois, ça tombe. Mais si on ne vend pas le journal, qu'est-ce qui se passe? Donc, soit on doit licencier les gens, soit on doit, mordicus, en fait, vendre des journaux. Donc, peut-être qu'on peut infléchir notre ligne. En fait, il y a différents modèles économiques et c'est pour ça que l'État, notamment, pourrait prendre ou devrait prendre des responsabilités pour aider les gens dans cette démarche. Alors, c'est ce qui est déjà, soyons déjà contents, en France, on a déjà le RSA. C'est pas un miracle, mais déjà, on est un des pays dans lequel c'est le plus facile d'être libre. De ce point de vue-là, c'est qu'on a en fait, on a ce secours ou cette soupape qu'est le RSA, qui est certes conditionnel, qui a plein de défauts, qui est pas si élevé que ça, ça doit être entre 400 et 500 euros, plus ou moins les APL. Mais c'est pour ça aussi le militantisme par rapport à ce qu'on appelle le revenu de base, ou le salaire à vie de Frio, enfin tous ces modèles en fait qui nous disent déconnecter un petit peu le revenu de l'activité, c'est-à-dire pour une activité vraiment libre. La vraie activité, c'est le travail libre. Peu importe que ce soit construire des maisons avec des briques ou faire des journaux, c'est le travail libre. C'est ça tout. À partir du moment où on génère un revenu de cela, alors des fois on n'a pas le choix. Mais c'est juste que la situation idéale, c'est vraiment la déconnexion et pour un vrai travail sain où on fait le travail authentique qu'on a envie de faire. C'est vrai, j'ai pas envie de vous emmener dans un podcast qui va durer 4 heures, mais... Non, parce que là, il y a eu les c'est mots quoi le salaire à vie? Attendez, le mot revenu de base qui t'a titillé. Non, c'est le mot valorisation du travail qui fait qu'il faut que je rebondisse sur le sujet des médias et du jeu vidéo, c'est quoi le problème. Et notamment dans les médias spécialisés, il y a le problème de la valorisation du travail, ce qui est ce qu'on appelle le salaire passion. Qui est qu'il y a plein de gens, notamment des journalistes, qui acceptent de travailler dans des situations précaires, qui du coup déterminent largement leur activité. Pour quelles raisons? Parce qu'on leur répond en disant « Mais oui, mais tu vis déjà de ta passion, tu vas pas en plus réclamer un salaire décent. » Et ça, c'est un vrai truc. Et c'est des situations auxquelles, nous, de manière marginale, il y a des moments où on s'est retrouvés un peu confrontés. Parce que j'ai des souvenirs de discuter avec des gens et avec Usul aussi, où ils nous disent « Voilà, nous, on aimerait que vous fassiez ça, etc. » Et nous, on s'est dit « Oui, bon, d'accord, mais ça va être du travail. Comment est-ce qu'on s'arrange pour la rémunération ?» Et c'est des gens qui étaient outrés. « Quoi, vous voulez être rémunéré ?» Et ça explique, justement, on parlait de médias, d'un déport, en fait, notamment d'un certain public qui fréquentait encore les sites de jeux vidéo et donc lisait des journalistes, même s'ils ne font pas tous leur travail dans des conditions idéales. Et les journalistes sont de moins en moins lus, leur travail est de moins en moins vu, au profit, justement, de ce qu'on appelle les youtubeurs ou simplement les gens qui vont être en freelance, comme ça, à faire des vidéos sur différentes plateformes de jeux. Et bien, c'est simplement pour ça, c'est que, en fait, quand on a sa carte de journaliste ou qu'on bosse dans une boîte, de fait, on travaille. Donc il y a déjà un rapport de force, on se sent un petit peu plus légitime à demander un salaire. Mais ce qu'ont vu les boîtes, c'était un Eldorado avec YouTube, parce que c'est du genre, il y a des gens qui acceptent gratuitement de faire la promotion du jeu, suffit de leur donner le jeu, d'exploiter la passion en gros. C'était beaucoup plus facile avec des gens en plus isolés, donc beaucoup plus vulnérables, parce que alors là, il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien, c'était tout seul. Et il y en a qui sont très contents, ils m'ont filé le jeu. Et en plus, on le comprend tout à fait de leur point de vue. Ils n'ont pas acheté le jeu, c'est très cher, ils font un certain travail pour le coup, qui est certes pas rémunéré, ils devraient acheter 60€ le jeu, on leur file, mais ils ont compris que peu importe la. Enfin, c'est des gens beaucoup plus facilement influençables, corruptibles, etc. On exploite la passion. C'est là en plus que commence à y avoir un déport, c'est là que commence à y avoir les spectateurs. Donc du coup, c'est pour ça qu'on voit un petit peu des sites professionnels avec des journalistes se fragiliser au profit de gens sur YouTube notamment. Et c'est notamment, sur le dernier point, et je te rends la parole, c'est justement pour reparler de la société du spectacle aussi, et ça nous permet aussi de nous redonner un rôle aussi, que ce soit à vous pour le podcast, à nous aussi, avec ce qu'on peut faire dans Nesblog. Nous, je nous vois un petit peu comme des passeurs de savoir. Et on transmet, c'est-à-dire qu'en gros, il s'agit, certes, des fois, on forge nos concepts nous-mêmes, mais on lit encore, on fait encore partie de ces gens qui lisent un petit peu, qui ont accès au savoir critique, qui est quand même globalement encore sous forme écrite parce que c'est l'université. Et donc nous, notre rôle, ça va être via la vidéo, via un podcast, de transmettre ce savoir critique. Parce qu'à l'heure actuelle, pourquoi il y a aussi une grosse tension, c'est que bah, les journalistes produisaient avant du papier, les papiers, la plupart des gens ne les lisent plus, les gens veulent de la vidéo, veulent de l'image, veulent du synthétique, du drôle, du court, donc c'est déjà très contraignant, parce qu'un savoir critique en 5 minutes et en faisant des blagues, c'est pas évident. Des gens, ils lisent en diagonale, voire ne lisent plus, on s'en aperçoit quand on fait des chroniques, on met un sous-titre et les gens, en fait, lisent même pas les sous-titres, en fait. Faut que ce soit dit. Si c'est pas dit, si c'est pas montré, ça n'existe pas. Donc il y a aussi ce rapport aux différents médiums, aux différents médias, qui est très problématique, avec ce déport, justement, des spectateurs vers la vidéo, et il est de notre responsabilité, justement, d'essayer d'amener un petit peu de savoir critique dans les podcasts et les vidéos, parce que ce qui se fait le plus, ça va être du let's play ou des gags, des trucs très courts, enfin tout en gros sauf du savoir critique. Et justement, là on en arrive aussi à une autre question qui revient à ce que tu disais tout à l'heure sur les problèmes de l'horizontalité d'Internet. C'est vrai qu'un journaliste qui est déjà payé avec un salaire, tu lui files le jeu gratos, c'est pas une bonne manière de le corrompre. Un gars qui est tout seul dans son coin et tu lui files le jeu gratos, il fait « Ah putain, génial, ils sont trop sympas, ils ont filé le jeu gratos !» Donc tout de suite, tu arrives avec un a priori positif sur le produit qu'on t'a filé gratuitement et que tu reçois comme un cadeau et comme une valorisation de ton travail. C'est le jeu lui-même qui apparaît comme une valorisation de ton travail. S'ils m'ont donné le jeu gratuitement, c'est qu'ils doivent bien aimer mon travail. Et du coup, il y a ce mythe sur l'internet quand même, malgré tout, d'une certaine part du public qui disent « Il y a plus de chances qu'il soit indépendant s'il n'est pas payé. » Alors qu'en fait, t'en arrives que quelqu'un qui n'est pas payé, en fait, est plus facilement corruptible. C'est l'argument qui fait que nos députés sont payés des sommes faramineuses, notamment. C'est-à-dire, bah, si on les paye cher, ils ne seront pas corrompus. Ça, on s'aperçoit que ça marche moyen, mais l'idée derrière, c'est ça. On ne va pas non plus rentrer dans le populisme à tout va. Bonjour Balkanis, tu nous écoutes. Bon, ben, en tout cas, on a pas mal défriché sur une heure et demie, un bon morceau. Merci, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions. On a même été un peu au-delà de ce qu'on imaginait. Ouais, ça a été un peu pêle-mêle aussi, mais je oui, pense que... Oui, mais ça, c'est les auditeurs commencent à être un petit peu habitués. C'est l'intérêt de discuter avec des passionnés, c'est que le débat et la discussion peut dériver et aller chercher dans des coins imprévus. En tout cas, merci beaucoup Dorian Chandelier, merci beaucoup Yann Chevière pour vos interventions, pour nos auditeurs. On se retrouve dans 15 jours avec un nouveau podcast avec Yann Chevière et Dorian Chandelier. On va parler d'autres choses. Pour nous, c'est tout de suite. Pour vous, c'est dans 2 semaines. En l'occurrence, on s'attardera sur la question, est-ce qu'il faut être bon en maths pour être un bon joueur? Que ce soit en jeu vidéo, jeu de société, jeu de rôle. Voilà, comme toujours, Ludologie va s'intéresser à tous les jeux, sous toutes ses formes. Voilà, soyez au rendez-vous dans 2 semaines. Salut.